But now we come to a period that I call the battle for identity. Bienvenue dans Radio Stoub, le plus long podcast de l'histoire du Racing, épisode 6, saison 18, un petit peu de mise en abîme. Grosse émission, beaucoup de matchs, parce qu'on a raté le mois de février, puisque en fait on voulait enregistrer le 29 février, ouais. Donc, pas cette année. On s'est rattrapé, nous sommes de retour, on a du direct sur le tirage de la Coupe de France, peut-être qu'on va découvrir avec vous quel est l'adversaire du Racing, et on a surtout des invités énormes dans le sens d'une aiguille d'une montre, Rouliane. Bonsoir, quand tu dis que je suis énorme, c'est dans quel sens? J'ai peur d'avoir mal pris la chose. C'est la taille. Voilà, Luc Darky. Bonsoir. Retour, quelques temps que tu n'es pas venu, je crois. Effectivement, à cause de travail. Travail. Voilà, mission placée sur le site de l'humour. Voilà, et donc, Morfaille. Bravo! Merci. Bravo! Tu avais déclaré ta flamme à YouTube. Et avec plaisir, c'est vrai qu'on n'a pas tout de suite réussi à se caler, mais c'est très cool. Hein. Comme dit, c'est toujours ouvert, sauf aux gens qu'on n'invitera pas. Okay. Mais ça, on ne dit pas qui encore. Écoute, bienvenue. Merci. Est-ce qu'on dit... On ne peut pas dire d'où vient ton pseudo. Si, ChatGPT a trouvé. Non, ChatGPT m'a dit, dis-moi dans quel livre c'est. J'ai dit, mais c'est moi qui te demande dans quel livre c'est. Qui est con, ce ChatGPT? C'est un Alien Hit de Michael Moorcock. Ouais. Alors moi je connais Hit et je connais Alien. C'est une version coréenne qui a poussé les deux. Michael Moorcock, c'est tout à fait. C'est le cycle Stormbringer, pour de vrai. C'est de la très très bonne fantasy des années 60-70. Très certainement, mais comme j'ai 14 ans. Ah, c'est très bon. Et il y a un jeu de rôle qui s'appelle Stormbringer qui est super bien. On en parlera dans jeu de rôle Stoub, hein, qui passe juste après nous sur l'antenne. Mais bon, voilà, il casse la quadrature du cercle. C'est JP Darky. Ou plutôt Jean-Pierre Banks. Si. Blourg, on m'a signalé que je ne saluais plus tout le monde. Alors Blourg, Blourg, la famille. Blourg, la team. Et Blourg, la commu. Mais je voudrais rajouter quelque chose. Je voudrais présenter mes excuses auprès de deux personnes. L'autre jour, avant le match de Lens, dans la file d'attente, je ne m'y attendais pas du tout, qu'ils me disent on adore Radio Stoub, Giga génial, machin. Et il se trouve que j'étais en fait encore dans la tête, dans ma vie précédente d'avant d'arriver au stade. Et je pense que j'ai été sympathique sans plus. Et je voudrais qu'on les salue ici, parce que c'est peut-être les deux seules personnes qui nous écoutent du monde. Alain Play et Marc Heller. Ils n'ont pas dit leur nom. Et c'est ça aussi, j'ai été très mal poli. Je ne leur ai pas demandé leur nom. Et voilà, donc je présente mes excuses ici. Et on vous estime. Mais comment ils t'ont reconnu? C'est ça la vraie question. Alors ça, apparemment, il y aurait des types... peut-être de la VG qui m'auraient désigné du doigt. Ah, voilà. Des gens qui ont dit, c'est JP Darky. Ouais. Ah ouais, parce que je me disais, les mecs, ils ont peut-être l'extrait vidéo de l'enregistrement de la radio, alors qu'en fait, c'est la radio. Quoi. Et ils ont dit qu'ils avaient écouté. Et ça, c'est les promesses de dons, et ça, c'est important. Voilà. Donc voilà, c'est ça, pour une fois qu'on est sérieux dans cette émission. Je tenais à dire. Et reconnu à l'international. Et reconnu, bah oui, je pense qu'ils n'étaient pas français. Non, je ne sais pas, en fait. Donc, Blourg à vous. Blourg à eux. Mmh. On l'a zappé, mais pour mieux le mettre en valeur, c'est Kittle. Bonjour Gigus et bonjour à tous. Voilà. C'est longtemps aussi que tu n'es pas venu nous voir. Depuis l'émission anniversaire. C'est vrai. Finalement, pas si longtemps. Non, mais c'était un peu une émission hors du temps. Voilà, hors du temps. Avec les interventions de Radio Stubiste homérique. Conan. Notamment. Paolo et d'autres. Paolo aussi. Ah ouais. Ouais, il y avait du monde, il y avait du bon monde. Bah, écoutez l'émission, hein, ça nous fait de l'argent. C'est... Exactement. Et puis notre MC, notre guide. Notre guide suprême. Ouais, notre... Est-ce qu'on peut le dire en ce moment? Ah oui, c'est vrai. Attention, c'est dangereux. C'est un super titre quand même. Est-ce que l'Assemblée des experts du Radio Stoub a élu un nouveau guide suprême? C'est ça. Telle est la question. Notre raclette au fond du poêlon. En espérant que le studio Guillet ne sera pas visé par les drones pendant l'enregistrement. Tout à fait. Nous l'espérons. Donc en fait, on veut parler de qui là? On veut parler de Gigas. Bravo. Sans que rien ne serait possible. Voilà, c'est vrai que le gardien du temple, l'ayatollah du Racing. Le grand timonier. Grand timonier. Non, grand timonier, c'est pour la prochaine guerre, ça. Pardon. C'est voilà. Donc, après tout cette auto-congratulation, nous allons attaquer. Alors beaucoup de matchs. On s'en fout de la moitié quand même. Ouais, non, ouais. Pas du tout. Parce que on se quittait, le Racing recevait le Paris Saint-Germain. C'est ce que je dis. Ouais. Et je sais pas si vous vous rappelez du match. Oh, bien sûr que oui. Je sais. Oui. On a perdu le match. Ouais. On a perdu le match. On a perdu, mais 2-1, je crois. Ouais, but de Messi. Ah non, ça c'était il y a 3 ans. Non, but de Dembélé. Non. Non, c'est nous des... Ah oui. Attention, là vous avez... J'essaie de... Vous savez qu'on invite des mecs hyper pointus. Hein. Ouais. Ah, mais je l'ai vu, oui, bien sûr. Oh, 2-1. Ah oui, 2-1. Moi, j'aime pas les matchs de Paris. T'as pas les matchs de Paris? Déjà, t'as la moitié des gens, c'est pour Paris. Ensuite, tu prends une Marley, et puis... Et parfois, bon, certains sont même des joueurs du Racing, en plus. Parmi ceux qui sont pour Paris. Donc, ça rend les choses... Et à l'époque, Mamadou Sarr était capitaine. C'est qui? Je sais pas. Mais c'était une erreur de site de. De synthé. De... Ouais. Ouais, peut-être. Mais voilà, le Racing entamait sa séquence un peu infernale. Hein. Avec que des gros adversaires, effectivement. Et le Havre. Tout le top 5. Et le Havre au milieu. Tout le top 5. Et au moment du coup, c'est une défaite face au Paris Saint-Germain qui était plus ou moins attendue. C'est toujours un peu l'avantage, par contre, de jouer face au Paris Saint-Germain, c'est qu'en fait, on t'en veut pas si tu perds. Après, le match, il avait bien démarré. On avait eu un penalty. Encore un. Mais qu'on n'avait pas marqué. On se souvient. Ah, oui. Vous vous rappelez que Panicelli s'est fait arrêter par Safonov, là, ou je ne sais pas comment il s'appelle. Alors que c'était 0-0. Par le bouclier anti-nucléaire. Ouais. Et ben du coup, ouais, c'était 0-0, on aurait pu mener. Et on n'a pas mené dans la contre-attaque, ou presque, on avait pris un but de merde, là. De Maguelu. Ouais, un mec inconnu, quoi. Il a quand même marqué en Ligue des Champions, là, au final. Bah, c'est ce que je dis. Mario As aussi. En finale, Ligue des Champions, Mario As. Non, pas en finale, non. Ah, oui. Juste en Ligue des Champions. Ça donne le niveau de la compète. Et du coup, on était revenu un partout, et puis après, on se prend un vieux but de merde à la fin, là. Alors qu'on est 11 contre 10. On est à 11 contre 10, ouais, parce que c'était qui le gros connard? Ah oui, Hakimi qui avait pris un rouge. Complètement. Alors attention, il est préjugé innocent. Hein. Ouais. À part par les supporters de Paris. Non, le PSG le défend, il faut qu'il arrive. C'est vrai, il est doué, je trouve qu'il est assez intéressant depuis. Bon, je ne saurais pas dater depuis quand, mais peut-être depuis l'arrivée d'Odil. Peut-être que sous Rosener, c'était surtout l'année dernière. Doué ne jouait pratiquement jamais dans le camp adverse. Il était cantonné un peu en compensation. De... Voilà, c'était lui qui couvrait quand Amoré remontait. Et je trouve qu'avec O'Neill, Doué est davantage vers l'avant. Et donc il est impliqué. Enfin, il marque ce but. Une belle reprise. Je croyais que c'était d'ailleurs un attaquant sur le coup. Et même sur la suite des rencontres, je trouve que Doué est plutôt à son avantage, notamment offensivement. Là, il a tapé de l'autre côté. Il a tapé deux fois le poteau. Ouais, et là d'ailleurs, oui, il a joué de l'autre côté aussi le même jour. Ouais. Ouais, c'est l'homme en forme. Qui lui fait la passe décisive? De 2026. Au revoir. Qui lui fait la passe décisive? Ah, bah, c'est pas les cuisses, c'est à la fin de la mission. Ah, d'accord. Bah, c'est Ben Chilwell. Ah, Bon vieux Benny. Ah, ouais. Chili. Est-ce qu'on pourrait pas faire une petite banderole Benny Hill? Et pour les gens qui vraiment, les connaisseurs de l'humour anglais, des Times avec le pont. Alors, ça forcément, ça tu peux pas connaître. Demander, mais non. Tu rates beaucoup de choses. C'est un humour à base de taper sur le crâne d'un vieux chaud et de meuf à gros nibar, ouais. Essentiellement. Oui, avec de l'humour un peu graveleux. Dans ce temps-là, on s'est rigolé, je peux te dire. En France, on avait Stéphane Collaro. Et ils avaient béni. Moi, c'est des souvenirs de dimanche, t'as pas fait des devoirs de sciences naturelles, de SINAT. T'es là sur la table du salon et tu fais, ah purée, il y a béni. C'était pas SINAT, hein. C'était biologie. Hein. C'était biologie. Je crois. Ah ouais. Pourquoi j'ai si mal? C'était tellement vieux, peut-être au collège où tu avais Roland Ries. C'est ça. Et tu devais annoter, tu sais, la cuisse droite d'une sauterelle avec rotule, bidule, machin, et des lignes, et en même temps, tu avais béni. Voilà. Et une bien belle anecdote. Bien belle anecdote. Voilà, donc Thomas, ça se passe un, une défaite qui est logique, normal. Logique. Ouais. C'est pas grave. C'est même si on se dit, comme au match aller, on n'était pas si loin. C'est pas très grave. Ouais. Le match suivant, c'est quoi? On se déroule. Bah, le match de j'ai des expected goals. Bon, devant, je crois. D'abord, j'ai des expected goals. Enfin, je croyais que j'avais. Si vous voulez, j'ai de la possession. Balek. OIG. OIG. J'ai plus les. Parce que la possession, c'est. Il y a le penalty qui fait. Qui gonfle. Ouais, mais t'as raison, on passe au match suivant parce que j'ai pas trouvé. Moi, j'ai les expected goals. Ah bah voilà. Strasbourg 2,31, PSG 1,34. Donc, on est mal payé. Ouais. Même si on a eu la boule que. On a raté un penalty. 32% de la rencontre. Et eux, 68%. Tu veux batailler sur le chiffre? Ouais, on y va. Non, c'est exactement ça. J'ai confirmation, on me dit oui. Oui, j'ai confirmation de. Mais après, on fait. Oui, c'est fait. Ouais, c'est ça. On se rend ensuite chez le doyen des clubs français. Ouais, et là, on se dit, bon, bah, on a perdu contre Paris de justesse, même un peu contre le cours du jeu. Bon, les Havrais, c'est pas. Hein. Et on sait plus depuis quand ils sont en D1, mais aussi depuis l'année dernière. Non, ça fait déjà 3 ans. Je crois que c'est la 3e année. Ah oui. Mm-hmm. Quand il y avait Patoche, on les a joués. Ouais, ouais. Oui, mais c'est là où on se maintient au dernier match. Enfin, 3-0. Ouais, non, on avait même perdu là-bas, je crois. On a gagné à la Milan, mais on avait perdu parce que c'était le dernier match de la saison. Ouais, je confonds. Ouais, c'est ça. Ouais, hein. Ouais. Bon, bref. Bon, ben, en tout cas, ouais. On les adore. Et ben, du coup, on fait comme des grosses merdes. On joue comme des grosses merdes. Alors, on a joué à 10 contre 11. Les deux tiers du match. Grâce à nous, quand même. Mais ça n'avait pas empêché les Havrais d'ouvrir le score avant. Sur corner. Rappelez-vous, une belle tête. Bim. Le monsieur. Zagalou. Ou Zagadou. Zagadou. Zagadou. Godot, comme d'habitude, il branle rien, mais il marque un but. Ouais, lui, c'est quand même, oui. Il a cette capacité, c'est quand même. Joueur, il met plein de buts, mais il voilà. Est. Il pèse au niveau statistique, mais dans les matchs, il est invisible. Il est invisible, et dans un temps, il prend une balle et il fait un truc et ça marque. Ça a failli refaire lors d'un match qu'on évoquera plus tard, mais le dernier en date. Oui, tout à fait. Ouais, ça frappe sur la tête. La frappe. Alors tu l'as pas vu, il est inexistant. C'est pas le mec à associer avec Emega. Après, entre temps, il y a eu le carton rouge de Doucouré. Quand le mec part au but, il essaye de l'éviter, mais il le. Voilà, il lui fait une bise sur l'épaule, le mec s'écroule. Après, il est en avance au début de l'action de 2 mètres, Doucouré, il se fait gratter. Ouais. Pour moi, c'est un problème chez lui. C'est qu'il, je pense qu'il est très très bon en tant que tel, et puis il a des sauts de concentration extrêmement réguliers quand même. Ouais, régulièrement déconcentré. ça, c'est le truc que tu avais dans ton bulletin. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de capacités, mais il y a des sautes de concentration, troubles de l'attention. Tous les jours du devoir. Il a un TDA, ça se trouve, Doucouré. Bah ouais, ça se trouve. Mais c'est vrai qu'il a fait un calcul de boulettes qui rattrape par des très bons matchs et des trucs à côté. Mais c'est quoi? C'est un rouge par trimestre à peu près? On est... Ouais, il en avait pris un Lyon, effectivement. Ouais, hein. Ouais, mais il l'avait blessé sur Fofana, hein, c'est ça ouais. Et qui est toujours pas revenu. Non, donc, il avait pas raté, quoi. Ouais. Donc, c'était un rouge vraiment mérité. On sent que là, ce n'est plus vraiment influent, parce que sinon, il aurait été toujours suspendu en date. Ouais. Voir si Dikeita, mais... Non, par contre, même, il faut peut-être contre Brond de but, comme dirait Latour, il fait une boulette incroyable aussi, genre en entame de match. Hein, genre où mais globalement, sur ce match, tu peux rien espérer, parce que tu te dis, ouais, ok, contre Paris, tu fais pas un si mauvais match, mais contre Le Havre, bah, en fait, c'est presque logique que tu sois battu. Et rien qu'en rentrant sur le terrain, t'avais compris que les mecs, ils avaient pas envie. Et il y a des théories, notamment sur le Stoop, de dire que les joueurs choisissent leur match. Et ce match-là, c'est, on a vraiment l'impression qu'ils ont choisi de pas le jouer, quoi. Moi, j'ai appris un nouveau mot cette semaine. Ah. C'est le tanking. Le quoi? Le tanking. Tu suis pas à la NBA. Bah, évidemment que non. C'est quoi le tanking? Découvert la NBA. C'est quoi le tanking? Le tanking, c'est quand tu fais exprès de perdre. Alors, en NBA, c'est un but très pratique, c'est d'être mauvais pour avoir une meilleure draft. Pour les joueurs du Racing, je sais pas quel est le but, en fait. On va les cramer, surtout. Ouais, sûrement. Après, effectivement, débauche d'énergie face à Paris, où tout le monde a envie de... Il n'y avait pas un match de coupe, hein? Alors Monaco, bon, c'est plus. Il y avait le match de coupe entre. On avait joué Monaco trois jours avant. Est-ce qu'on se placerait une question Minitel là comme on ah, oui. De... ah oui. Peut-être. On a parlé de Godot quand même. Oui. Et donc et ça va être typiquement ce qui a été dit, donc on va te répondre rapidement. C'est Ricalewi 67 du site racingstube.com. Je me pose toujours une question avec Ricalewi. Est-ce qu'il met des jeans de la marque Ricalewi? C'est ça la vraie question. Est-ce que ça existe encore? Voilà, s'il en a encore. Où est-ce qu'il en cherche? Est-ce qu'il fait toutes les friperies de l'Est de la France? Le marché au plus. Toutes ces questions sans réponse, là, ça me... Et si ça se trouve, c'est juste que c'est comme Rika Zara. Et ça, c'est une femme qui s'appelle Rika. Et une femme de Jerry Lewis. Ah, de Parker Lewis ne perd jamais. Ah oui, exactement. Bah oui. Donc est-ce qu'on écoute? Arrêtez là, parce que là, vous faites les boomers. Là, Luc ne comprend rien. Bah si, il a déjà entendu parler de Parker Lewis, ne perd jamais. Ok, synchronisation des montres, ça devient. Kubiak dans l'urgence. Non, non, même pas. Godot est-il le pardon, meilleur joueur nul de l'histoire du Racing? Ah oui, très bonne question, Ricard. Ouais. Moi j'ai envie de dire oui. Il y a quand même un autre joueur dans le même style. Il y avait James Fanchon qui foutait rien dans le match, qui est resté sur la ligne de touche et qui marquait un but de la tête à chaque fois. À chaque fois c'était le début de saison. Non, mais... Quand le début de saison en D2. Ah oui, là, la série de victoires, genre de. Ouais, au tout début de saison. 5-6 victoires jusqu'à la défaite à Angers. Non, mais Godot, j'arrive pas à le cerner. James Fanchon, il avait une certaine classe un peu hors du temps. Genre, c'était un joueur, t'avais du mal à cerner. Dominé, ouais, voilà, c'était ouais. Quelque chose. Enfin, il y avait quelque chose. Tu on parle Fanchon ou on parle Godot, là? Bah, Godot, je sais pas qui c'est. Non, mais moi, je comprends pas. C'est un joueur, je comprends pas. Il est ailier gauche. Alors, évidemment, il y a des statistiques complètement incroyables depuis quelques matchs. Tout en étant totalement transparent dans les matchs et sur une action, il va être soit au bon endroit, soit il va faire le bon geste. On peut même pas dire que c'est des buts chanceux qui marquent, c'est quand même généralement en plus des buts plutôt pas des jolis buts. Des jolis buts. C'est juste que là, maintenant il fait le truc et après, il a rien fait avant, il a rien fait après, là, sur l'instant. C'est bizarre, je sais pas sa carrière, comment. Il y avait un article dans les DN cette semaine sur Godot. Qui expliquait qu'il jouait en D7 il y a 4 ans. Ah oui. D7 anglaise. Ouais. Ouais, okay. Parce que vous l'avez vu en interview, il parle pas anglais. Enfin, il essaie de parler français, c'est quelque chose. Martial? Marcel Godot, qui est ivoirien mais né en Angleterre. Ouais. Okay. Et donc il parle que anglais et il essaie de parler français. Est-ce qu'ils ont fait un jeu de mots nuls avec son nom ou pas? Je pense que ça va 5 LR déjà épuiser le stock. Ouais. Au moment de son arrivée, ouais. Ouais, je sais pas. God of War. Ouais. Mais ouais, c'est pas un mais j'ai l'impression que là, tu vois, il est en train d'utiliser son stock de chat sur une saison. C'est-à-dire qu'il était inconnu avant, j'ai l'impression qu'il sera inconnu après. Et là, les rares fois où il a une balle, il frappe n'importe comment, ça rentre dans le but. C'est fini, ça, c'est le truc que tu fais dans ta carrière, il faut le disséminer dans toute ta carrière, des buts de chat, trucs comme ça. Et lui, il prend tout en même temps, tu vois. Mais du coup, ça, c'est le genre de joueur, c'est parfait pour nos vénérés propriétaires, gloire à eux. Parce que là tu le vends là maintenant, enfin, pour nos guides suprêmes, tu veux dire, de iranien d'origine. Exactement. Ah bah, oui, probablement. Je parle de Todd Belly. Là, c'est le genre de joueur parfait en fait. Non, mais après, un mec qui a regardé un match, il va pas acheter Godot, je pense. Mais pour moi, c'est un joueur racine. Oui, voilà. Il est même anachronique. C'est un joueur punk. En fait, c'est un joueur qui est dans l'espace-temps, il est encore dans l'ancien Racing. Mais il est là. C'est pour ça qu'il y a des dissonances, tu vois. Ah, c'est un truc de la matrice, c'est un. Ouais. En fait, le mec, il dans un moment, il est dans une dimension et pas des noms. Ouais, en fait, il est dans une mission. Il est en 99 et en 2. Donc en 96, des contrôles. Et après, il y a un moment donné, faut aussi. Enfin, il y a des trucs, faut expliquer le réseau de scouting qui arrive à te dire ce mec-là. En fait, il est pas mauvais, alors qu'en fait, le mec, il était en D7 avant. Là, ils l'ont trouvé, je sais pas où, à Fulham, là, où il joue pas un match. Il joue quasi pas un match, en fait, dans sa carrière pro. C'est la première vraie saison pro. Il fait une saison en D3. Truc, voilà, et voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça. Et les mecs se disent, non, lui, j'ai du potentiel. Et waouh, là. Des fois, on a vu sa sœur, peut-être. C'est pour un début d'explication. Peut-être. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est notre Godot à nous. Voilà, donc je suis désolé, j'ai interrompu le flow des matchs, mais je pense que c'était important. Non, c'était super important. Et j'ai noté Ricalewi 67 et la contre-question Minitel. Hein. Tu sais, c'est comme maintenant, il y a des drones, il y a des contre-drones. Donc nous, on peut renvoyer des questions aux radio Stubistes qui nous écoutent, aux auditeurs. Tout à fait. Ricalewi 67, est-ce que tu as des jeans? Tu as des jeans de Ricalewi. Ou est-ce que tu as une femme qui s'appelle Rika? Voilà. Et tu t'appelles les bandes de siège. C'est ça. Et là, si jamais on peut faire passer à la prochaine émission des trucs d'échange. Ah, bien sûr. Hein. Vend, Gin, Échange-Gin contre une boîte de Tom Yam. Ça. Ah, mais ça. Voilà. Avec, avec une boîte de Tang aussi. C'est vrai qu'on n'a pas dit que. Cette émission, elle était en partenariat avec Tom Yam. Tom Yam, tout à fait. Et la marraine de l'émission, c'est Karen Chéri, je crois. Oui. Absolument. Donc les cacahuètes. Les cacahuètes Tom Yam. Les cacahuètes Tom Yam. Bravo! Bon, alors ce match du Havre, on perd, on est tous un petit peu déçus. Bah, ultra déçus. Moi j'étais franchement, je l'ai regardé à la télé, hein, t'imagines bien que je suis pas allé voir. Ouais, t'es déçu parce que tu l'as regardé. Ouais, parce que je me dis, ouais, là ça va être un match facile quoi. Et en fait, tu dis putain, ça y est. Parce que si on gagnait ce match de mémoire, on pouvait revenir à la 5ème place ou un truc comme ça. Et c'est encore une fois l'occasion ratée. Ouais. Un acte manqué. Un peu comme Marseille hier. Est-ce qu'on fait un point avec ce qu'on fait On est dominé. Hein. Moi je trouve qu'aussi. Je sais qu'on n'a pas les mêmes expected goals. Écoute, j'avais 0,91 pour le Havre et 0,42 pour Strasbourg. Ah ouais, moi j'ai 0,86 pour le Havre et 0,51 pour Strasbourg. Ah, le mien est encore plus. Ouais, du coup, on n'a pas mérité de gagner, on a mérité de perdre. On n'est pas content. Défaite. Alors, on peut se dire que le Havre a perdu notre némésis. Ah oui. Oui, en ce moment, ça remplace Amiens. Ouais. Amiens avait ce rôle-là pendant très longtemps. Et là, le Havre, je sais pas, c'est une équipe à colorer, quoi. Oui, ouais. C'est qui? C'est Digard, hein, le coach qui fait un recrutement avec deux capsules de Cronenbourg. Même s'ils sont propriété du groupe Blue Crow. Ouais. Mais c'est exactement la ça, contrefaçon. Ça, on croirait une blague, mais c'est vrai. Et qui ont 7 clubs, mais qui ont des clubs de 4ème division. Ouais, ils sont pas adossés à. C'est eux la tête de gondole, enfin je sais pas. Ouais, c'est la porte d'entrée sur l'Europe. L'investissement, c'est des PL de petits vieux. Ils investissent moitié en philatélie, moitié dans des clubs de foot. Et bon, ça rapporte pas beaucoup. Hein. Ah, mais ils avaient un timbre de 5 Itenevitz qui valait quand même vachement cher. Voilà. Et après ça, on dit philatélie quand même. Ouais. Aujourd'hui, Parker Lewis, ok. Philatélie, non, c'est chouette. Du coup, enfin, on a enchaîné par encore un déplacement. Ouais, avec une petite équipe. Mais comment c'est possible? À le Marseille. Ouais, c'est peut-être parce que la Ligue 1 fait un calendrier de merde. Mais peut-être parce qu'après, on aura eu chaîne des deux matchs à domicile. Deux matchs à l'extérieur, deux matchs à domicile. Mais attends, t'as passé surtout de Monaco quand même. Mais c'est vrai que j'ai fait la Coupe de France en deux fois. C'est surtout parce que sur le Stoup, c'est classé championnat Coupe. Ils ont mis le truc après, ils sont chiants. Donc on va à Marseille. On va à Marseille. Qui vient de changer d'entraîneur. Habib Bey. Habib. Non, pas encore. Ils ont le. Bah non, mais il n'y a plus des herbiers. Ils ont le. Un de ces débilos quand il était joueur de foot. Déjà, il joue à Nice. Je sais pas. Bah oui, c'est vrai. C'était un débile. Bah il jouait de la guitare surtout. C'est dans la caravane. C'était un turbo débile. Là, on était vraiment sur. Enfin, dans mes souvenirs, c'était. Ah oui. Ouais. Carton rouge sur carton rouge. Ouais, comme non, mais je pense. Et donc il joue. Il arrivait pas mal à Il était adjoint à Marseille. C'est un peu l'adjoint bouche-trou de partout, quoi. C'est le Anigo. Anigo, il a jamais été adjoint. Il a toujours désingué tous les autres. Ouais. Ah, mais ouais, donc. Je sais pas s'il a fait une grande révolution, mais en tout cas, il était là en. Il y avait grève des virages et compagnie. Pendant un quart d'heure, j'imagine, voilà, par solidarité avec les supporters sportifs contre Blouko. Ouais, ça peut être que ça. Non ouais, bah, je pense. Et alors, ce qui est très bizarre, bon, moi j'étais assez choqué. J'ai vu quasiment un tiers du match à la télé. J'ai claqué la porte très vite. Ces gens-là font des. Comment on appelle quand les gens font des messages sur des. Des banderoles géantes. Des tifos, des banderoles, je ne sais pas. Avec. Ils nomment. L'actionnaire, Longoria, et ils dégage. Ou l'actionnaire, ils disent enculé, dégage. Ouais. Et je comprends pas, ils arrivent à rentrer des banderoles, ils ont le droit de s'exprimer. Je peux vous dire, ça, ce genre de truc. Rouge, c'est écrit en rouge. Ouais, écrit en rouge. Ouais, j'ai claqué la porte. J'ai fait, non mais où? Ah, ça te dégoûte. Hein, On va où là? Moi, ça me dégoûte. Voilà. Et du coup, quand les supporters. C'est quoi le narco gratuit? Ben, bien sûr. Et quand les supporters sont venus dans les tribunes, l'OM a ouvert le score. Ouais. Et là, on a emmené des ballons. Et le deuxième but, il est folklorique. Comme de par hasard. Le deuxième but, je sais pas si vous rappelez, où tout le monde regarde les Marseillais jouer au foot. On met la rente dans la surface, Bouhiri, il se balade, il voit un mec, ouais, il dit, ça va, tout va bien, la femme, les enfants, ouais, il passe à côté du deuxième mec, ça va, t'as mangé quoi récemment, ouais, ça va. Voilà, et après il dit, ah tiens, il y a le gardien, boum, ras du poteau. Sachant que le gardien avait dégagé dans les pieds. Ouais, il venait de foirer sa relance. Et ceci dit, sur un espèce de scud de Barco. Ouais, une bonne passe en retrait de merde. Ouais, mais ceci dit, nous le but d'un nazi, par exemple, c'est une maxi chape. Voilà, il le tire 100 fois, il le met 0 fois. En fait. Mais c'est contré au moins une fois, je pense. Ouais, oui, avec, ça fait poteau bas. Avec un angle qui n'existe pas, le truc, ça n'arrive pas. Et on arrive à tirer un nul miraculeux. Ouais. Penalty, avec le penalty où le mec shoot l'ischio jambier à Guessim, là où je sais pas comment il s'appelle. Guessim. Yassine. Et alors les arbitres maintenant donnent des pénalties à la 90e. À Marseille. Ça par contre, c'est un changement. 97e. Mais parce que le défenseur a tout donné quand même. Mais il me semble qu'il y a des gens qui disent oui, mais il faut avoir la psychologie. Quand on est arbitre, il y a des moments où tu donnes et des moments où tu donnes pas. Bon, là, tu pouvais pas faire autrement. C'était beau comme il l'a fait. Dans les années 80, ils donnent pas pénalty. Hein. Ça, c'est. Ah, mais c'est même à la 3e, même à la 25e, à Marseille, il n'y avait pas de pénalty. Et Panji le tire. N'importe comment. Mais c'est pas celui-là où il tire tout droit. Ouais, c'est pas tout droit en plus. Il fait une espèce d'enroulé, mais qui finit quand même tout droit, donc ça n'a aucun sens. Une force, oui, mais très fort. Tu fais un spitz de. Très de fort, le mec met la main. Non, mais ouais, le gardien il restait là, mais bon, là il n'avait plus de main. Ça fait quand même plusieurs matchs qu'on avait des pénalties déjà. Donc, contre Paris, il le rate, contre Marseille, il le marque, suite dans la prochaine. Dans les prochains. Il n'y a pas eu que des pénalties. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dans ce match? Bon, c'est tout. Bah, t'arraches miraculeusement nul. Bah, El Mourabet était. Il y avait deux. Sur le but, deux sons de cloche sur le Shtoub. Il y avait les gens qui étaient contents du match nul et des gens qui étaient déçus qu'on n'ait pas remporté la victoire face à un OM. Voilà. Parce que quand on regarde les IG, on peut être déçu. On est là. Ils sont à la faveur du Racing. Marseille, donc l'Olympique de Marseille. Pas Consola, 1,62. Et le Racing Club de Strasbourg, 2,39. Donc tu peux être déçu. Il y avait quand même 2-0 à la 63e. Oui. Et ensuite Marseille, au moment où ils prennent le but, je me suis dit il y aura 2-2. Ouais. Où ils prennent le premier parce qu'ensuite ils rentrent des défenseurs. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait 5 défenseurs. Oui, voilà, spécial Loré. Bon, il n'y avait pas que lui, mais on a un petit peu retenu ça. N'est pas Loré qui veut. Voilà, on fait rentrer un défenseur, on prend un but. Et ouais, Marseille, voilà. Au tout début, il se faisait même pas siffler, c'est juste qu'il n'y avait pas d'ambiance. Ça, c'est vraiment rarissime. T'entends les joueurs, mais ça vient, ouais. Voilà, ils étaient même pas là. Et donc là, même les gars, ils n'arrivaient pas à faire une passe parce qu'ils étaient. Cette grêve les. Tu crois qu'ils ont été atteignés. Ah ouais. Ils atteignaient. Bah oui, Marseille était très mauvais au début du match. Ouais. Ils n'ont pas touché de balle. Ouais. Je me demande ce que Jean-Luc Darry, qui est là-bas, pense de ce match. En tout début de match. Il y a photo de Godot. Ouais. Le fameux Godot, je trouve. Mais vous l'avez vu parce que vous les avez la télé. Vous êtes abonné à Ligue 1 Plus. Alors, envoyé spécial. Expliquez-nous un petit peu ce stade mythique. Vous y êtes allé avec votre maillot de l'OM. Exactement. Chris Waddle, Jean-Pierre Papin. Enfin, c'est ça, c'est votre jeunesse. Bah exactement. Ouais. Carlos Moser. Que des gens que je connais. Donc déjà c'était il y a longtemps, hein. J'ai une très mauvaise mémoire, mais dans mes souvenirs match très mauvais. Dans mes souvenirs c'était mauvais des deux côtés en fait, et juste on était encore moins bon que eux, en particulier au début, les deux premiers buts. Hein. Et après on revient, mais bon, un match. Du coup, on est un peu meilleur, mais en fait. Bah, le problème, c'est qu'un match, c'est peu 90 minutes. L'important, c'est les 3 points. Ouais. Et non, mais. Se réveiller à la 70e et commencer à bien jouer à la 70e, c'est peut-être bien si le match dure 120 minutes, mais quand il dure 90 minutes. Ouais, non, mais ouais. Tu prends des notes, hein. Je suis en train de prendre des notes. Non, mais je suis d'accord, c'est un peu frustrant quand on se dit peut-être qu'ils ont trop respecté Marseille. Peut-être que cette ambiance un peu cotonneuse, ou même les joueurs à domicile ont peur de mal faire, t'oses pas rentrer dedans. À vous, c'est vraiment l'ambiance, quoi. Pour moi, c'est l'ambiance. Ouais. Alors que le foot moderne est un foot qui s'extrait de l'ambiance. Qui cherche à sortir les supporters du game, c'est vrai. Et à dire tout se joue à la télé. Qui cherche à tout répéter ce qui se passe, qui est cadré dans les entraînements, tu répètes, tu appliques. Et tu fais abstraction du contexte. Et les supporters ne servent à rien. Et là, à Marseille, peux pas faire abstraction du supporter, je pense. Ouais, et donc, à ce moment-là, tu cautionnes la théorie comme quoi on n'est pas bon dans les 15 premières minutes parce qu'il n'y a pas le temps. Non, je pense que ça n'a rien à voir. Parce que c'est à l'extérieur. Non, mais normalement, voilà. le Racing aurait dû être à l'aise dans ces 15 minutes de silence. D'ailleurs, ils ont une grosse occasion. Ah, oui, il y a la tête de Renaud. Vous l'avez. Alors, ça n'a rien à voir, mais moi, on s'en fout. Vous l'avez vu, cette gonzesse de Newcastle, la supportrice c'est vachement bien, ce truc. Il y a une histoire avec une supportrice, c'est Godot. Ouais, qui leur fait tout un... Alors non. Ah, qui a vu Godot, elle sait qu'il est loin et elle le suit depuis. Mais non. Qu'est-ce qu'elle fait, cette supportrice? Je vais vous le dire tout de suite parce que j'ai mis un bookmark. Fais Godot, Cola, mon petit frère pour Sébastien Keller. Alors, ils sont. Je pense qu'on n'est pas au bout des jeux de mots sur Godot. Comment ça marche, ce bookmark? Bookmark, voilà. Vous l'avez pas vu, cette vidéo? Alors déjà, c'est parce qu'elle est Nottingham Forest. Ça doit jouer. Et il y avait c'est en rapport avec les supporters. Et je vous mettrai on mettra le lien dans la description. C'est elle? C'est elle, ouais. Ah, je crois que c'était une vieille. Mais non. Ah, c'est pas une vieille. Alors elle répond à un panel, je sais pas ce que c'est, sur le foot. Bon, regarde, et donc elle dit, ils ne veulent pas de nous. Ils ne veulent pas des supporters loyaux. On est moins cher, on se comporte mal, on ne reste pas juste assis en train d'applaudir. On est des fans, on est vrai, c'est notre vie, c'est notre communauté. La commune, évidemment. The commune. En fait, ce sont juste des excuses que... Ce sont juste des excuses. En vrai, on ne va pas céder. Et je ne crois pas que c'est un... Alors bon, après, elle nous parle de la première ligue, ça, on s'en branle. Elle parle après des divisions inférieures. On s'en branle encore plus. On s'attaque complètement. Et elle dit... Tout ce qu'on entend quand on va dans un stade de première ligue, c'est des gens qui applaudissent un chant, parce que c'est des touristes qui ne connaissent qu'un chant. Et ceux qui ont vu à la télé, ce sont des touristes, c'est juste des touristes. Nous, nous sommes le produit. Nous payons les salaires à la fin de la journée de ces mecs-là. Et pourquoi, en fait, on peut se demander pourquoi les diffuseurs de foot veulent encore diffuser du foot? Parce qu'il y a des fans et c'est tout. Sans les fans, il n'y a pas de foot. Elle ressemble à quoi, cette jeune de bon, elle a des dents, elle est anglaise. Ah ouais. Pour une anglaise, ça. Vous l'avez pas vu, ça? C'était partout. Elle a aussi une rubrique Barco, quand même. Ah, c'était partout à Nottingham Forest. Ouais. Mais nous, au Karabakh, on a entendu parler de ça, c'était aux news dès le matin. Ah, c'est pas mal. C'était hyper intéressant. Ouais. Merci, JP Darky. Non, mais juste une aparté. Tu parles d'une supporter azerbaïdjanaise qui a... Non. Moi, ça m'intéresse. Peut-être de moins en moins au match. Et j'ai même pas trop regardé l'avant-match. J'ai regardé sans le son. Et je voyais, même sans le son, je voyais que les mecs, pendant une heure, ils ont parlé que de Marseille. Pour dire, ah, est-ce que les petits vont réussir, les Mouinots, ils vont réussir à jouer parce qu'ils ont perdu leur entraîneur. Et à aucun moment, ils ont parlé de l'adversaire. Ça, c'était marrant. Et après, pendant tout le match, c'était à chaque fois, ah, Marseille, il perd des points, nanana. C'est comment tu sais parce que t'avais pas le son. Voilà, mais j'ai deviné. Ah oui. Mais c'est toujours comme ça. C'est vrai que c'est facile. Parce que t'es un top club et tu joues à un club qui n'est pas top club, les commentateurs parlent que du top club. C'est qui est pas top club? C'est Marseille. Attends, Marseille, c'est top club. T'as vu combien on paye chaque point? Et encore, Bravo était pas là. Il y avait que. T'as vu les stats sur combien chaque club met d'argent pour gagner un point? En classement éthique. Ouais, sur le recrutement. Ouais. Trop cher, évidemment. On est un gros club. On est leader de ce classement. Moi, j'aimerais revenir avant, parce que j'ai un désaccord. Ah. Tu dis que Godot est pour le meilleur pour le meilleur des joueurs. Les blagues. T'as mieux que Godot? Bah, Mara. Oui, alors parce qu'en plus, c'est pas vraiment un joueur de foot. Mara, tu peux faire tout. Ouais, c'est vrai. Ah putain, on va le voir bientôt. Non, il jouera pas. Ah non, il a la clause, c'est auto. C'est auto s'aborder. Moi j'ai entendu que Marc Keller a appelé pour réactiver la clause. La clause, c'est l'oblige à jouer. Par Faites-le jouer comme ça, on peut mettre. Mais elle est pas légale, cette clause. Non, c'est une clause. Est-ce que ce serait pas des gentlemen à Gouin? Ouais, voilà. Je crois que c'est ça. Sous saigne, comme dire. Mais oui, effectivement, c'est Kumara. Bon, paix à son âme, c'est quand même ça au niveau des jeux de mots. C'est qu'on a toujours été gâté au Racing sur les noms des joueurs, hein, plus que sur les joueurs. Duplex, Chamba. On a eu des nouvelles de Duplex, Chamba. Oui, il n'y a pas longtemps, Ross. Tout récemment, par Ross. Hein. J'y pense à propos de noms. Il a signé quelque part. Toujours vivant. Il a signé au Brésil. Ouais, je me demandais ce que c'était. Non, le club, je ne sais plus où. Ouais, c'est Favelas Chambal. Tout à fait. Oh, duplex Chambal. Tu peux avoir un duplex dans les Favelas. Il a joué un Racing ou... Mais il a été à jouer un match de duplex en tournoi. Il était inscrit sur des feuilles de match. Ouais. Ouais. Alors, on passe au match de la, un peu le match de la saison. Bien sûr. Le match de la saison. L'Anculico, je crois, on dit ça. Ah, ouais. Le multipropriético. Non, le Strasbourg-Lyon. Ouh. Alors apparemment, on avait lu que il y avait quand même ça se chambrait beaucoup entre les joueurs. Oui, ah, ça, c'est oui. L'équipe qui a monté le. Ouais. Ah, il y a la presse de Caniveau qui a voulu faire monter la, la pression. Là. C'est parce que Cobb il savait pas quoi écrire, il a mis un truc quoi. Genre, mais... Il a passé 4 jours à se justifier après. C'était assez drôle. Et là, bizarrement, les joueurs, ils étaient meilleurs. Ils ont... ouais. Est-ce qu'ils ont choisi le match? Je ne sais pas. Et mais... c'est là que la question est tombée sur est-ce que les joueurs choisissent le match. Bah ouais. Question 2. Parce que c'est quand même pas. Entre le premier quart d'heure de Strasbourg-Lyon et le premier quart d'heure de Le Havre-Strasbourg, c'est quand même pas le. Ouais. C'est pas la même chose, quoi. Tu vois que les mecs rentrent sur le terrain avec une envie qui est quand même légèrement différente, quoi. Je pense qu'il y a de ça, mais il y a aussi la fatigue. Parce qu'on... vu qu'on nous a censuré de parler de match de Monaco. Oui, on en parlera, pas sur ça, on est dans le futur, on revient dans le futur. Mais effectivement, le match de Monaco a pu peser sur les organismes, comme on dit, dans le genre. Ah non, mais non, mais il ne peut pas peser. Sur... On est une équipe qui est designée pour jouer la Coupe d'Europe et ah bon. Jouer sur tous les tableaux, donc jouer des matchs tous les 3 jours. Bah justement, on joue à 12-13. Alors, tous les 3 jours. Alors, on va faire. Tu demandais après, qui a posé la question. On fera le procès de Gone un peu plus tard. Mais... Débat en deux temps. D'abord la question. Aucune ensuite, idée. C'est un... pas... Aucune idée. C'est un commentaire sur Racing Stool. Ah. Et gloire à toi, commentateur anonyme. Parce que c'est une bonne question. Ça, c'est évacué. C'est évacué. Est-ce que vous voulez parler tout de suite de la fatigue? Parce que ça, c'est un truc qui va forcément revenir. Ouais. Est-ce que l'équipe est taillée pour jouer sur les 3 tableaux? Est-ce que les joueurs sont pas déjà cramés alors qu'on n'a même pas commencé à jouer? Alors moi, j'ai un avis assez clair là-dessus, peut-être un peu tranché. Globalement, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Ces bourricots, ils sont payés cher, ils vont courir tous les 3 jours, j'en ai rien à foutre. Les superstars mondiales, elles jouent tous les 3 jours, tous les matchs. Hein. Kylian Mbappé, sauf blessure, ou tous les joueurs comme ça, ils veulent jouer tous les matchs. Ils veulent jamais arrêter un match et ils jouent tous les 3 jours. Ils jouent 50 matchs par an et ils courent. Nos bourricots à nous, ils sont déjà payés trop cher pour ce qu'ils font. Ils courent et ils ferment leur gueule. Donc les mecs, oh, je suis fatigué, je dois fatiguer. Bon, rien à foutre. Ils sont un petit peu arriérés mentaux en plus, on dirait quand tu. Oui, j'ai dit. C'est un argument qui, moi, ne pèse pas. Ils sont sportifs professionnels, ils ont un sport, le calendrier, c'est eux qui le gèrent. Il y a d'autres sports qui jouent tous les 2 jours, il y a des sports qui jouent même tous les jours. Il y a le curling, une fois tous les 4 ans. Le hockey sur glace, qu'on ne peut pas réputer pour être un sport de feignant, hein, ouais. Le hockey sur glace, il est fréquent que les mecs jouent 2 matchs de suite en 2 jours. Et puis le basket? En NBA, ils jouent pas toutes les 20 minutes. Et alors, on va arrêter de trucs. Donc le truc, ouais, ils sont fatigués parce qu'ils ont joué un match de coupe le mercredi et le samedi, bon, hein, ils ont bobo aux pattes. Non, c'est pas réceptif. Rien à foutre. Voilà. Donc, on a eu un avis tranché. Peut-être qu'il y a des avis un peu plus tranchés encore. Hein. Sinon, ils sont pas assez bons. Sinon, c'est-à-dire que les mecs, ils ont... Oh merde, on a une fracture de bras. Oh purée, oh, alors là... Oh. C'est jamais arrivé à Radio Stoum. C'est la première fois. Non, mais je veux dire, c'est que les mecs. Est-ce que t'as déjà ouvert une bouteille tous les 2 jours, peut-être? C'est bon. Toutes les 20 minutes. C'est que les mecs, ils ont peut-être un déficit athlétique. Avec tous les préparateurs qu'il y a. Bah, je sais pas. Les responsables performance. Ouais, responsables physiologie. Alors, justement, il y a une question Minitel là-dessus. Alors là, pour le début, j'avais lu responsable psychologique. J'avais mal lu en lisant l'article. Et ça m'avait pas choqué. Je me disais, ils ont pris un psychiatre, quoi. Alors, est-ce qu'on, du coup, on en profite, on rebondit. Ouais, c'est vrai que ça, on l'a pas noté dans en conférence de rédac. Le recrutement pléthorique du staff. On peut parler de tout ce qu'on veut. Alors, est-ce qu'il y a plus de mecs dans le staff que de joueurs? C'est ça la question. C'est possible. Non, mais déjà la question. La question. Alors, c'est d'une personne que je connais pas du tout du site RacingStool.com. Je connais pas grand monde. Hein. Doubtful. Doubtful. Du site RacingStool.com a demandé. Il n'y a pas de 2L normalement. Non. Si tu fais vraiment Doubtful. Non. Non, mais si tu voulais faire Full de Dub. Non, non plus. Hier, a demandé à 19h20, donc pendant le 19h20, j'imagine. Avec un coordinateur sportif Catherine Matoche. Exactement. Et deux responsables de la performance, Comment peut-on encore avoir des prises de bec entre joueurs en plein match pour savoir qui va tirer le corner? Barco vs Nanasi. Ou le penalty? Panichelli vs Enciso pour l'interrogation. C'est au mieux stupide et contre-productif, au pire délétère pour l'équipe et la dynamique d'un match. Derrick démission. Derrick démission. Oui, je ne sais pas. Ah, Derrick, c'est le nouveau maître, non? Ah, il s'appelle Derrick? Je pense. Ta-da. Donc là, on est sur le penalty. Ouais, on est déjà. Non, sur... mais on est sur les préparateurs, les coordinateurs. On est sur et... tout là. Là, ouais, on est sur le fond. Parce que là, on touche. Là, c'est holistique. C'est holistique. Je pense qu'on devrait avoir un préparateur spécialiste des pénalties. Au nombre de pénalties qu'on provoque cette année. On provoque, qui sont annulés, qui sont tirés. Qui provoquent des tensions dans l'équipe. Ah, oui. Préparateur VAR, un mec qui va coacher. À propos de pénalties, est-ce qu'on peut faire une parenthèse? Hier, j'ai regardé des matchs où il n'y avait pas de racing et il y avait des séances de tir au but. À part la Delorio. Oh, tu regardes des matchs? Bah, il y avait Bingourou. Putain, c'est ça, l'info. Ah, il y avait Bingourou. Il y avait Bingourou. J'ai quand même vu qu'à la 75e, il y avait 0-3 gilets pour chacune équipe. Je me suis dit, il fallait, t'as quand même Bingourou. Un effort pour regarder un match comme ça. Mais oui. Kangourou Birra. Et il joue dans les couleurs de Laval. Ça, j'ai pas compris. Mais ça, c'est autre chose. Bah, si. Quand un gardien, s'avance trop, touche la barre transversale, mais qui se prend le pénalty. Mais le pénalty est à rejouer. Ouais. Mais parce que c'est à Marseille ou à Lorient, il y a le gardien qui se prend un jaune parce qu'il s'amuse à toucher la barre et ils n'ont pas le droit. Mais le gars avait marqué son pénalty, son tir au but. Mm-hmm. C'est un tir au but. Il doit quand même retirer le tir au but. Avec le risque de le rater derrière. Voilà, alors que c'est le gardien qui a fait faute. C'est pas n'importe quoi, ça. Ouais. Dur Alex et de l'ex. Voilà. Alors, donc, mais du coup, genre, je pose la question, je vais chercher les verres, c'est ça? Bah, si tu me dis où sont les verres, je rebondis sur la question, sur la question, justement. Laquelle? La question dans la question ou la question dans la question de la question? Est-ce que quelqu'un se souvient de quel club on supporte normalement? Matrioshka, ouais, c'est. Alors, ouais, vas-y. La question avec Derrick. Oui, Derrick. Quel que soit son évidence. Je sais pas, tous les mecs, tous les bonhommes qui sont recrutés, PhD, CV long comme le bras, ils s'occupent pas du pénalty. C'est pas intéressant. Ça. Claude Leroy a un PhD. Il a gagné le final de la CAN. Ouais, il a sauvé la CAN à lui tout seul. Vous avez vu son visage? Oh pardon, mais c'était pas le. Allez-y, je vous. Non mais je pense que tous ces mecs du staff, enfin ils sont tellement perchés. Oui, ils ont tellement un truc, un rayonnement ou je ne sais quoi, que ce genre de conneries, savoir qui va tirer le pénalty, n'est pas de leur ressort. Eux, ils sont sur une sorte de performance. Ils sont des stats. Ils sont méta. Ils sont métavers et tout ça. Ils sont méta. Bon, donc du coup, la vraie question, c'était quoi? J'ai oublié qu'on parlait. Ouais, le multivers, on est vraiment dans le multivers. Faut qu'on se ressente. Oui, donc Lyon, le match, on l'a gagné. Lyon, on a plié Lyon. On va revenir au bout. Globalement, le match, il a été abouti, non? Tolis. Moi, j'étais à côté d'un mec, Richtoub, dont je ne citerai pas le nom, qui finit en 90, et qui en avait un petit peu après Tolisso. Et sa mère, et sa sœur, et toute sa famille. J'étais à ce match, mais j'ai pas regardé en entier. Moi, j'ai regardé le match, mais à la télé. J'étais pas à ce match, mais j'ai regardé. Et globalement, c'est le meilleur match de la saison. Merci, ouais. Oui, il enfonçait le clou. C'est le match le plus abouti, comme on dit. Ça. C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, il y avait. Même si on c'est enculé de Tolisso, il a marqué un but. Oh putain! On n'a pas le droit d'y reculer tout ça. Ah bon, on n'a pas le droit? Non. On dit comment alors? Il y a eu des bannissements pour moi que ça. Oh, merde, j'ai foutu du vin partout. Ah ouais, je veux bien. Mais donc effectivement, là on a trouvé un Racing conquérant, accrocheur. Oui. Enfin, il n'y avait rien à acheter. Effectivement, c'est vrai que c'est là où le gap avec les autres matchs peut faire croire que effectivement certains joueurs choisissent peut-être leurs affiches. Tu parles de Moreira? Ouais, c'est ça, tu dirais, il faut dire quelque chose. Alors, Moreira, c'est vrai qu'il est on dit qu'il est sur courant alternatif de manière politique. Genre, il a tendance un peu à se regarder jouer, je trouve, dans ses dribbles et tout. Donc, c'est assez. Moi, ça. Et donc, ce match contre son ancien club, oui, voilà, était particulièrement bon. Je, Je sais, je voulais vous dire un truc sur le match de Marseille. Tu veux pas t'asseoir ? Oui, oui. Pardon, je vous embête là. Je... Non, mais on parlera d'Habib Bey un peu plus tard. Évidemment. Ok. Alors, d'ailleurs, Raphaël proposerait qu'on fasse un petit Marseille-Stoub pour parler d'Habib Bey. Parce que... Mais on finit sur Lyon. Ouais, oui, pardon. Ouais, alors, là, on peut pas faire super match. On peut faire un enculé à la fois. Hein, genre. Mais super match, ouais. Et même match très, très, très plaisant. Hein. En plus, genre là, pour une fois, t'en as pour ton argent. Moi, les 20 premières minutes, je me suis régalé. Qui a quand même amené Daniel Riolo à dire qu'on était la meilleure équipe de Liga. Très plaisir. Avant de nous cracher dessus à la fin du match, parce que Marc Keller lui avait pas servi un petit four, je pense. Mais... C'était un saumon, son préféré, en plus. Il n'y a pas des procès, lui aussi ? Tout à l'heure, on parlait des procès. Ouais, il a perdu. Ah, il a perdu ? Qui ça ? Ah ouais. Riolo ? Contre la chatte. Ouais. Non, et puis il y a ce grand moment de paix, de philosophie et de patience de Barco avec, sur. Oui. Fonseca. Une chambre. Bon, c'est un peu Barco qui veut toujours ça tout le temps. Si c'était foutu de la gueule de qui au coup de sifflet final. Le mec de Metz. Ouais, c'était le mec de Metz. Bon, c'est l'année qu'on tient. C'est moi, c'est peut-être le dernier match que j'ai vu en entier. Alors, pardon. C'est ça, hein. Oui, c'est ça. Ouais, bon. Bon, c'est et puis il y avait nouveau un penalty. Exact. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai... Oui. Bah, si, il y avait le penalty de Panicelli. Encore. Et il l'a bien tiré. Il y a tout le temps les penalties. Hein. Il marque plus que sur penalty. Et est-ce qu'il l'a bien tiré bah, ah, celui-là, après, si. Celui-là, il avait été pas mal tiré. Ah, oui. Il était moins merdique que celui contre Marseille. Mais il l'avait. Ouais, il l'avait mis dans un coin. Tu pouvais. Le gardien de mémoire était parti du bon côté, mais il pouvait pas l'attraper. Donc ça faisait quand même 3 matchs de suite avec un penalty, c'est ça ? Ça faisait beaucoup, quoi. Non, il y avait Le Havre où il n'y avait pas de penalty. Mais il y a quand même Marcel Godot. Qui a marqué aussi. Et puis, Marcel, c'est le c'est pas même titulaire. Il a pas mal de c'est Marcel et Marcel. C'est son alias. Donc quand même. Mais hein. C'était un bon match, quoi. Ouais, c'est un match. Et du coup, après, on a enchaîné par un autre match à domicile. XG ou pas, les hommes. Ouais, on peut finir parce qu'il ne reste plus qu'un match à domicile, comme ça. Ouais, okay, on a pas d'XG, hors Coupe de France, évidemment. Et hors l'OM Gate aussi. Mais c'est le Racing ICO, le Frérico, cher à Calcio 90. Ah, celui-là, je l'ai vu aussi. Lens qui arrive, plus leader du championnat. Ils ont passé l'avant. Parce que mais avec Risser, l'équipe. Avec Risser. Ouais, là, j'ai exprès pris mon billet pour voir Risser. Ouais. Et c'est bien fiché. Alors que tu aurais pu le voir l'année dernière jouer contre Binguru Camara. À l'entraînement. À Boer. Mais je crois que j'ai vu le seul. Red Starpo. L'année dernière, j'ai vu le seul match amical de Robin Risser à Colmar, il me semble. Est-ce que c'est le seul ? C'est contre Nancy ? Non, c'était. Bah, c'est son dernier Fribourg. Match. Fribourg, hein. Deux matchs dans l'après-midi. Je l'ai eu, la dernière fois sur match du Racing. Hyper fier. C'était peut-être sa dernière fois. Oui, c'est son dernier match, je pense. Mais il n'en a pas fait d'officiel. Mais... Lens, on s'est fait chier. C'est sa dernière fois. On s'est fait défoncer. Non, il y a eu un but de Joaquin Panicelino sur une belle passe décisive du défenseur central lensois. C'est celui qui avait marqué le but à l'aller. J'ai créé polémique. Pour moi, une erreur de Risser. Il ne sort pas complètement bizarre. Ouais, une sortie n'est pas franche. Donc, mais ouais. Ouais, mais. Ouais. Pour ça vient du. C'est plus un défenseur. C'est plus un défenseur. Il a pas été. Après, il y avait. L'autre, il lui a mis vraiment là-bas. Il avait la conduite de balle qui sort pas. Il y avait 30 mètres pour que Panicelli avance. Ouais, il aurait été flingué de toute façon. Mais c'est là qu'on voit que c'est quand même un mec qui s'est joué au flou. Parce que dans ce genre de situation, il y en a combien qui la mettent au-dessus, hein, qui ne savent pas, qui rapprochent. Et lui, il met une louche. Après, j'ai un doute sur l'intention du geste. Mais non. Il y a un petit côté. Non, mais je pense que l'intention est là. Mais disons que j'ai l'impression qu'il est surpris lui-même de la réussite de son propre jeu. Ah ouais ? Ah, peut-être. Non, mais le but est incroyable. Enfin, c'est son 14e but en championnat. Ouais. Autant que. Seul le Borussia Dortmund a fait mieux. Seul Emmanuel Emega avait fait la même chose l'année dernière. Ah, on pense à toi. Petit ange parti trop vite. Il a égalé sous l'ère Blouko le meilleur Le highest goal scorer. Donc plus qu'un but et Il efface et méga des tablettes. Moi, j'avais proposé que des tablettes chocolat noir. Le Didier Mondzuk argentin. Après, ah oui, j'avais beaucoup aimé. Après son. Moi, j'aime bien ça. Ouais, les mecs qui grimpent au grillage, j'adore ça. Oui, oui. Ah, ça t'a fait perdre 25 ans, ça. Exactement. Voire même plus. Hein. Oh, ça moi, Didier Mondzuk le faisait plus souvent parce qu'il marquait quand même plus souvent. Oui. Contre Saint-Seurin et tout ça. Oui, lancé en profondeur, seul face au gardien. Il a marqué combien de buts comme ça, face au gardien, tout seul? C'est... Bah, la moitié de ses buts. Je le tire. Ouais. Passe en profondeur. Ah, mais il est tout seul. Ouais. Ah, bon, bah, il va battre le gardien. Bah, en ce temps-là, hein, ça le joue. Ah, c'était la D2. Ouais. Moi, j'y suis allé pour Adrien Thomasson aussi. Pour ah, bah, oui. J'étais en Suisse. Il s'est fait siffler, ça m'a choqué. Je me suis levé exprès. Il a été sifflé, mais il a été sifflé. Ouais. À quel moment? Quand il mais il a été applaudi aussi. Non, même au début, au tout début du match, à un moment, il a sifflé. J'ai dû voir avant, au Racing, on sifflait nos propres joueurs. Maintenant, on siffle les autres. Je ne sais pas ce qui est mieux. En fait. En même temps, l'équipe de Lens ressemble beaucoup à l'équipe du Racing il y a 5 ans. Ouais, ouais. En moins honteux, quoi. Oh, il a été un peu moins sifflé, je crois, qu'à une précédente édition. C'était beaucoup plus systématique. Par contre, lui, il a retenu qu'il avait été applaudi, quand même. Donc, c'est bien. Quand il est sorti, enfin, ça dépend des occasions. Quand un mec sort après un match où tu lui dis le 1 partout est logique et il sort à la 80e, il a été plutôt inspiré. Bon, alors là, c'est logique. Enfin, la logique, ils nous ont dit. On va dire si à Georges. Si à Georges. Je pense qu'ils nous ont souillé quand même. Là, on s'en sort bien. Ouais, non, tu t'en sors bien. Oui, c'est ça. Et tu te dis le match nul, bon, bah, je, c'est ce que c'est dit. C'est pas mal. On est oui, oui. Se dit, I keep it. On a une rubrique Gon. On a rubrique Gon. Quand il fait les changements. Sur les changements, c'est bon. On tenait plus grand chose du match, alors j'ai rien changé parce que j'étais content. Ah, c'est vrai qu'il s'est fait défoncer dans la presse, par contre. Je pense qu'il est légitime sur l'ensemble de ces changements, mais pas obligatoirement sur ce match-là où je suis d'accord avec lui qu'on ne faisait pas grand chose à ce moment-là. Mais il était assez. Dans ses déclarations au journal au quotidien de. De référence locale Non, au quotidien sportif. Ah, pardon. National. Et peut-être qu'il l'a dit la même EDN. Il a dit qu'en fait, ils se sont creusé la soupière avec ses assistants, mais pendant genre toute la mi-temps. Ils ont même recruté un à la mi-temps. Ouais, c'est ça. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Faut qu'on fasse un truc. Donc en gros, ils étaient conscients qu'il fallait faire un truc. C'est la première fois que j'entends un entraîneur dire ça. Mais finalement, on n'a rien fait. T'as vu, hop. Bon, surtout que les 10 dernières minutes ou les 15 dernières minutes, les deux équipes se sont un peu annihilées. Il ne se passait plus grand-chose. Lens était content d'être revenu à un partout. On a l'impression que ça convenait à tout le monde de faire ce match nul. Ouais, ça finit un peu bizarre ce match, mais finalement c'est. Je suis parti avant la fin. Truqué quoi. Moi je non, c'est pas ce que j'ai dit. Ça manque de folie. Non, moi j'ai un peu interprété. Je pense qu'on s'était complètement défoncé, mais je pense que ça a demandé un peu plus d'effort à Lens qu'on a l'impression. Et je suis d'accord avec toi. Dès qu'ils ont égalisé, tout le monde s'est dit. Le dernier quart d'heure, j'ai vraiment eu l'impression, hormis Enciso qui à un moment commence à rejouer, parce que je pense qu'il n'a pas compris que ce moment tout le monde voulait de mieux. Évidemment. Un peu comme le fameux Trajan Paris en CFA, où on continue à attaquer alors que. Oui. On ne fait pas ça. Où ouais, on... Alors que le virement avait été fait. Avec François Kellier, c'est le banc de touche qui s'énerve. Si tu prends un but, le match à Rouen ne sert plus à rien. Je vois totalement ce match. Eh bien, on en a fini avec les matchs à domicile et vous êtes contents. Ouais, on va parler un petit peu de. Coupe de France de... Vous voulez pas parler de Gary O'Neill un petit peu avant pour rigoler? Juste. Oh. Ah, j'étais le seul à avoir été impressionné par le niveau de Lens. Moi, j'ai trouvé vraiment trop fort en fait. Waouh, tu vas un peu loin dans l'analyse par rapport au niveau moyen de Radio Stoum. Disons que c'est vrai que Lens, c'est un peu. Enfin, c'était pas une surprise parce que c'est quand même l'équipe. Hein, c'est l'équipe qui réussit une super première partie de saison. Je m'attendais même à ce que ce soit encore plus le décalage soit plus grand. Je pense qu'on s'était pas mal mis au niveau quand même si ça a été compliqué, mais avec nos armes. Alors moi j'étais au match aller hein, comme Luc en reporter à Bollard, et c'est vrai que j'avais aucun souvenir du match non, je me rappelle surtout qu'il faisait froid et que c'était nul. Je crois que tu étais aussi effectivement il faisait froid et c'était nul. Ouais. C'est chouette. Mais allez-y, hein. c'est vachement bien. Ça fait rêver. Je vous encourage tous. Ils ont dans le cœur hein, le ciel bleu, tout ça. Heureusement qu'ils l'ont dans le cœur parce que là-bas, c'était très très froid. Mais non, du coup, j'ai l'impression que c'était fait plus éclater au match aller quand même. Ouais, je crois aussi. Il y avait déjà eu une expulsion Par contre, il y avait un fait de jeu qui nous. C'était en fin de match. Le match, on a joué. Ouais, mais on avait un peu sombré. Mais avant ça, parlons de Gaune. de Gaulle, à moins que quelqu'un aussi est impressionné par le Racing Club de Lens. Barco, exactement. Moi, pas impressionné, mais jusqu'à la, jusqu'au 25, 20 derniers mètres, parce qu'ils ont envoyé les. Ils ont énormément de bonnes situations qu'ils n'ont pas du tout concrétisées. C'est pas un truc genre 25 tirs, mais pour de vrai, pas 25. Pas 25, je dis un chiffre au pif. Très peu de cadrés. Il y a pas de l'exigence. Non, il y a l'exigence. Là, je l'ai dit, là. 2-0-4 pour Lens. Et 0-87 pour Strasbourg. Oula. Ouais. Là, du coup, c'est pas trop d'infaveur. C'est bien payé. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Gary O'Neill. On lui a laissé le temps. Oh, dis donc. Attends. Question vitale. Gary O'Neill ou Gary O'Neill? Bon, ok. Alors. C'était une blague par rapport à Epstein. Alors, Ah oui, je suis obligé d'expliquer la blague, c'est dommage. J'avais deux trucs prévus ce soir. Alors, je vous le dis tout de suite, un peu les coulisses de l'émission, parce qu'on a des auteurs. J'avais deux trucs, j'avais les deux gars dans la file d'attente, je voulais absolument pas oublier. Et j'avais cette énormissime blague. Fabuleux. En fait, t'as pas pris la voix, il faut prendre un truc de Gary O'Neill ou Gary O'Neill. Donc voilà, même c'est tout, hein. Moi sinon j'ai rien à dire. Gary. Oui, ce bon vieux Gary. Ah, ce bon vieux Gary. Il a eu le temps d'imposer sa marque. Moi, je vais commencer. Je veux dire, je lui laisse. Il est en jogging. Il ressemble à un entraîneur de foot. Ouais, ouais. Voilà. Déjà, il est en jogging. Il a baragouiné deux mots de français et sa famille est venue. Voilà. Ça fait déjà trois. Ça fait déjà trois grosses différences avec Rosé. Ouais. Et il a pas de lunettes. Par contre, sur l'équipe, j'ai pas vu de gros changements. J'ai la pause. C'est un peu toujours pareil. Bah, je vois les mecs qui sont pas blessés. Il y a plus le Rosinier Ball dégueulasse pendant 45 minutes. Et le Penders Ball aussi. Ouais, un peu disparu. Ouais, pas complètement. Ouais. Mais... ouais, il a été un peu. Maintenant, il mixe. Il n'est pas il tout mixe à fait les gros dégagements et le. Il est sur la liste des espèces menacées par l'UNESCO et l'UNICEF. Mais il est toujours vivant. Mais. Ouais. Donc, du coup, sympathique. Ce c'est, un peu un entraîneur football d'avant, de Racing d'avant, mais anglais quoi. Ouais. Non mais c'est du low cost. Hein. Ouais bah c'est ça. C'est les choses, c'est du low cost. Je reste persuadé que le mec je te rappelle le but que faut les faire cavaler les mecs et tous les jours en plus tous les trois jours c'est compliqué. Le mec il va pas réinventer l'eau chaude, hein, les tactiques de foot. Mais je crois qu'il n'est pas capable de toute façon. Voilà, et là il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Il met globalement les joueurs à leurs postes qu'ils sont censés être s'ils sont pas blessés ou si Morera a été replacé à droite et droit. Ouais. Ouais. Ah quand même oui, c'est il a inventé ça. Petite je sais pas si ça lui plaît à vos pères Morera. Ça on l'a plus pour moi. Parce que des ailiers gauchers, on n'a que ça, on n'a pas beaucoup d'ailiers droitiers. Ouais. Ah non, là c'est trop con, ça c'est Il y a Godot mais bon lui il est ça c'est trop fromage. Non, ça a pas beaucoup de goût. Ouais, mais donc Godot, oui, il aura fait ça. Beaucoup de monde on lui a affublé d'un sobriquet Sleepy Gary. Ah oui. Parce que là, le coaching à la 85e. À Strasbourg là. Non, c'est non, là d'où il vient. Sur le forum. C'est quoi le Sleepy? Sleepy, c'est ça correspond. Sleepy, c'est lui, il dort, c'est pas. Ah, il dort. Sleepy Gary. Il a les mains dans les poches. Il a doudou les mains dans les poches. On a encore perdu notre public. On revient à ce que disait Darcy. Que les mecs, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Et puis il s'est endormi, il s'est réveillé, il dit oh putain, c'est la fin du match. Bah, on n'a rien fait. Mais oui. Mais est-ce que la meilleure chose, c'est pas de rien faire avec cette équipe-là? Bah, elle tourne un peu en. Ouais, tu veux faire rentrer Godot en fin du match? Non, il y rentre déjà. Il y a Jessine à faire rentrer. Moi, je pense que Gary O'Neill, sur son téléphone, il fait jamais les mises à jour. C'est un mec qui fait jamais les mises à jour. Il se dit, attends, est-ce que le téléphone fonctionne? Son constat est factuel, il dit, oui, ça fonctionne, je ne change rien. La mise à jour, fuck off. Et il dit quelque chose, son fuck off, il met pas la mise à jour, et il reste comme ça. Et le jour où son téléphone veut dire, je peux pas installer la nouvelle version parce que t'es trop en retard, il va être emmerdé, quoi. Il va racheter une nouvelle téléphone. Bah oui, il va racheter une nouvelle équipe. Ouais, il va retourner dans le championnat. Mais oui, c'est le mec qui s'emmerde pas. Ça fonctionne, je touche pas. Je pense qu'il a le même jogging, il a le même slip sous le jogging tous les matchs. Hein. C'est le slip porte-chance. Marco Simonet. Il ne change rien. Marco Simonet avait un slip porte-chance qu'il a dû changer parce que le slip était troué au milieu de sa carrière. Voilà. Il avait une phrase. Il y a plein de joueurs sportifs comme ça. Les sportifs sont des cons. Non, qui sont superstitieux, il n'y en a pas. Et il y a pire que les sportifs, c'est les supporters de foot. Et il y a Grealish, je crois, qui porte des chaussures. Il porte des escarpins. Non, il porte des chaussures d'il y a 15 ans. De sa femme. Pour certains matchs très importants parce qu'il avait gagné, je sais pas quoi. Qui ça? Grealish. Non, et machin, des Chilwell, il met la chaussure droite. Oui, la chaussure droite sur le pied gauche parce qu'il a gagné un tournoi du. Il l'a dit. Je l'ai vu l'interview, il a dit ça. Il y a des chaussettes qui ont des sens. Ouais, à cause du. C'est pour rouler. C'est pour rouler. Elle est légère. Oui, sur les chaussettes. Non, mais dans certaines chaussettes, mais pas dans les chaussettes de foot, tu sais. Si, apparemment. Ou alors il a menti dans son interview. Ok. Il est anglais. Mais par contre, au Racing, il y avait deux superstitions de la fameuse renaissance du club. Il y avait un que Marc Keller ne faisait plus les matchs à l'extérieur parce qu'une fois où il n'était pas venu, ils avaient gagné. Ça, à l'époque de la CFA. Ah, ouais. François Keller qui mettait la doudoune. Sauf à Monaco. Ouais, et François Keller mettait la doudoune et le maillot rouge, où on avait, je ne sais plus quel match on a gagné, qu'il voulait à chaque fois, dès que c'était possible de rejouer avec le maillot rouge, on avait gagné un match. Je ne sais plus si c'était à Grenoble la première fois ou quelque chose comme ça. Et les mecs étaient hyper superstitieux. Heureusement qu'ils jouent plus aucun rôle au Racing. Hein, parce que... Ouh là là. Voilà. Gary O'Neill, sinon... Non, mais on lui reproche un peu de s'entêter avec des choix. Alors, est-ce que ce sont les siens Amo Ameyaou, etc. On s'est dit, Jessim, là, c'est un petit teasing. Il est en train de changer, peut-être, avec le père teasing, Jessim, Yassim, sur la Coupe de France. Ouais. Il a été intéressant à Marseille. Prochain match, il joue quoi. Ou peut-être les arrêts de jeu. Oui, parce qu'il était fatigué, ça faisait trop de matchs d'affilée. Non, mais Amo Ameyaou, là, c'est, on nous l'a échangé. Parce que il était pas si horrible que ça les premières fois il jouait sous maillot de l'année dernière. Et là ils nous ont envoyé le frère jumeau, tu sais, le mec qui est rentré en vacances, il a un frère jumeau qui va c'est d'ailleurs Sam H a une question. Sam H du site racingstou.com donc en parlant de Gon justement, a-t-il enfin ouvert les yeux sur la supercherie Amo Ameyaou? Ah bah on est dedans là. Ou bien continuera-t-il de le préférer à Yacine? Donc parce qu'on est dans le sujet. Et c'était pour citer Samache qu'on puisse mettre à la fin. Hashtag Samache. Hashtag Big Pharma. Ouais. Il paraît. On m'a dit ça. Mais non mais c'est possible. Enfin, je pense que Yacine a quand même montré en un match autant que Amo et Ameyaou depuis son premier match il y a un an et demi. Et tu le croiserais, tu le reconnaîtrais? Ouais. Moi, je suis pas sûr. Je pense que je le reconnaîtrais parce qu'il est toujours en train de tirer son short vers le bas et il a visiblement. Il faut encore que je joue. Enfin, je sais pas. Il a visiblement pas le même short que Palois. Ah oui. Palois avait un mini short à la Top Gun. Tu vois, il manquait un peu d'huile sur le corps et avait une petite scène de volleyball crypto gay là. C'est. Et puis remontait aussi un petit peu. Et Panicelli, lui, remonte son short. Comme Palois. Et Zizo aussi. Ah ouais. Ouais, ils ont des problèmes. Donc, de Palois, tu peux pas. C'est Amo Ameyaou, ouais, il va marcher dessus un jour. Bah ouais. Il va marcher sur son short, notamment. C'était des signes de gang d'Amérique du Sud. Non, c'était. El Mencho. Tu sais, les deux frangins qui avaient. Il a la même coupe de cheveux là, qui faisait un peu rappeur dans les années 90. Chris Cross. Le Chris Cross. Ah ouais. Amo Ameyaou, Chris Cross. Avec le pantalon à l'envers. On est vraiment sur une émission là. C'est terrible. Sur des bons. Dans nous des références de jeunes. Est-ce que quelqu'un a un t-shirt Fido Dido? Non, il y a pas un côté Amo Ameyaou. C'est Chris Cross. C'est bah ouais. Amo Ameyaou. À part Jump, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Bah rien. Et au niveau des shorts, ils sont pareils, effectivement. Il y a quelque chose. Il y a avec le pantalon baggy là. Enfin ouais, non je. C'est une imposture. Hein. Ah voilà. Ça en fait pas. C'est une imposture, une de plus. Ouais, bien sûr. Moi j'ai rien à dire de plus. Je pense qu'il les a abandonnés, lui. Il ressemble à au petit brésilien de merde là, qu'on a envoyé en Arabie Saoudite. Gabriel, Angelo. Ah ouais. Pareil, tu le mets dans le même wagon. Et ça vu ça dégage. Ça va dégager ça. Amo Ameyaou, ça reste pas l'année prochaine. Merci. Enfin, même si maintenant les Émirats Arabes Unis, Qatar, enfin tout le bordel, c'est un peu compliqué, non? Là, on risque de rapatrier des mecs. Cristiano Ronaldo, il est prêt à revenir au Racing. Le championnat d'Arabie Saoudite, ça va être compliqué. Ouais. Regarde dehors, c'est une pluie de météores. On regarde là-bas. Non, c'est chaud là, quand même, non? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Alors, là, vous pouvez choisir. Si on embranche sur International Relation Stub, ou alors on fait un Marseille Stub et après on revient dans le football. Vous voulez parler d'Ami Bay un petit peu parce que Moi j'avais juste une vanne, une saloperie à dire sur Ami Bay, c'est tout. Vas-y. Bah, pour moi, Ami Bay, c'est le Rosé Noir français. Quoi. Tu dis ça pour les lunettes. Il arrive, il a tout un bagou, voilà, il s'est mis les médias dans la presse. Et puis derrière, c'est un baltringue, mais pire même qu'un mauvais, un mauvais entraîneur. Enfin, c'est, voilà, pour moi, c'est Rosenior, c'est le Ami Bay anglais. Quoi. Et quand même, les deux sont pas mauvais entraîneurs. Il y a une différence. On parle juste beaucoup trop. Mais... Il y a une différence majeure, c'est que Ami Bay, il a pas piqué des joueurs de Rennes pour les ramener à Marseille. Oui, alors, à la putasserie, tu pourrais rajouter l'enculé. Il y a une autre différence, c'est qu'il n'y a pas un joueur de Rennes qui serait allé avec Ami Bay à Marseille, parce qu'apparemment, plus personne pouvait le voir. Ah bon? Ouais. Et ça, alors que Rosenior, pour le coup, à part Emega, il n'y a pas de problème avec les joueurs. Mais non, si, mais c'est avec pas... Ah ouais, c'est vrai ouais. Mais c'est pas tellement la question, c'est un mec. Par rapport à sa mère. C'est un beau parleur. La question, c'est le beau parleur qui sait parler à la presse, qui s'est entraîné. Il sait parler à la presse en anglais, quoi. Ouais, qui a fait du media training à la place de faire du football training. Il a fait du Lego. Qui fait du Lego, toutes ces conneries. Ami Bay, il va faire la même chose avec les moyens de Marseille. Ah, ils vont pas faire du Lego, ils vont faire de la pétanque, je ne sais pas quoi. Bref, on a fait un accent, on arrête. C'est on n'a pas le droit de faire les accents, ouais, c'est interdit. Il y a, le CSA qui nous écoute. Ça fait convention de Genève. Enfin, tu vois, pour moi, ces deux entraîneurs, c'est vraiment la haute autorité. Le symptôme du football médiatique. Surcoté. Ouais, surcoté. Et moi, c'est pas. En fait, moi, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a prouvé, Mais rien. Mais Rosenior non plus, hein. Mais Rosenior, quand il arrive, il arrive pas. Il a gagné. Il a gagné. Ouais, mais il est déjà sur une vibe. Je parle aux journalistes. J'invente toute une légende dorée sur mon passé. Avant de savoir lire, je faisais des tactiques avec mes céréales à la table à manger le matin. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est les Rosenior, ça s'y prête. Oui. C'est qu'à chaque fois qu'il joue un match en Angleterre, il y a quelqu'un de sa famille qui était supporter du club. Il l'a fait. Crystal Palace, mon oncle était supporter. Il est mort. Ma grand-mère. J'adore. J'ai le maillot encore. Et là, apparemment, il rejoint un match, je sais plus quoi. Hull City, ma grand-mère était abonnée à Hull City. Ouais. C'est le Serge Karamazov. Là, il se bénique. Le prince aussi. Voilà. Moi, je pense à un imposteur. Bah oui, évidemment. Bay. Non, Rosenior. Ah, oui. Pas les deux. Est-ce que c'est pas la même personne? Ah. Est-ce qu'on les a déjà vus dans la même salle de conférence? Rosenior, c'est clairement une imposture. Bay, je pense juste qu'il est mauvais. Pas la même chose. Il est vraiment entraîneur de foot et tout, mais Rosenior, il peut faire autre chose que entraîneur de foot. Tu vois, c'est coach de vie, coach mental, média traîneur, community manager. Si je veux, il peut tout faire. Mais non, c'est juste que lui, c'est vraiment une imposture. Bay, c'est juste qu'il est pas très bon. Mais là, à chaque fois, maintenant, ça fait deux fois qu'on lui confie un vrai club. Ouais, puis ça monte encore. C'est le deuxième vrai club qu'on lui confie. Voilà. Mais là, ça va vite se calmer. Hein. Si fin de saison, il n'arrive pas à faire, il dégage. Hein. Entre la Coupe de France et la Ligue des Champions qui s'éloigne. En fait, c'est une carrière à la Furglan. Quoi. Non, parce que Furglan, il a des réussites en Ligue 2 quand même. Lui, c'est en National et une fois. Ouais, Furglan, il a pu monter tous ses clubs de Ligue 2. Oui, c'est vrai. Après, il fait tous redescendre en Ligue 2. La boucle est bouclée. Mais... Ouais, je sais pas. Ouais. Pas de précis. Est-ce qu'il aurait pas dû sauter la marche de la Ligue 1 trop tôt? Parce que du coup, il est passé National à Ligue 1. Je n'aurais pas dû faire une saison en Ligue 2 pour... Bah, le problème, c'est que la saison du Melon était très précoce cette année. Cavaillon n'est pas en Ligue 2, c'est ça le problème. Non, mais effectivement, Bay s'est vu tellement fort avec le Red Star, alors qu'il avait juste remis le club. Et surtout, ils vous voyaient très fort quand commentaient les matchs sur Canal. Ils disaient, l'entraîneur, il a fait ça, alors que moi, j'aurais fait ça. Sérieux? Mais il est drôle de diction. Un peu comme ça. Non, mais il était intéressant parce qu'il avait quand même une vision. Et donc, je disais, ok, je te confie mon équipe. Finalement, Red Star, c'était correct. Voilà, là, on voit un petit peu les limites du. Ouais, il avait comme à Rennes, il avait réussi à redresser la barre au début. Parce que d'un club qui se contre trouve Rennes. Contre qui il redresse la barre? Contre nous. Contre nous. Mais avec le Red Star, c'est le même scénario. Le club n'allait pas bien. Il est arrivé, il a gagné 2-3 matchs tout de suite. Ça te donne une aura, il finit la saison honorablement, et derrière, tout de suite, le mec, non, mais moi, je vais aller coacher ailleurs, quoi. Genre, alors, il a fallu un an. Pourquoi on parle de ce con, là? Parce qu'on a dit qu'on faisait une petite, un truc sur Marseille. Ah oui, Marseille. Parce que ça a quand même à s'aborder mieux que nous. C'est-à-dire que nous, on a essayé de s'aborder ce mercato d'hiver, ça n'a pas vraiment marché. Mais eux, par contre, ils y arrivent totalement. Alors, c'est un talent qui est. C'est eux au niveau. Ils passent de deuxième, troisième, a éliminé de la Ligue des Champions avec 0. C'est quoi, c'était 98,6% de chance qu'ils avaient de passer la Ligue des Champions. C'était impossible même. Là, ils se font sortir de Coupe de France. Et ils foncent vers la cinquième place. Et ils ont remplacé leur président par le mec qui est directeur sportif. Et qui a dit qu'il se barrait si deux services barraient. Et qui est resté. Parce qu'on par contre, en étant mauvais, ils vont finir devant le Racing. C'est marrant, j'étais en train de dire, et en plus, on va finir derrière eux quand même. Non, mais ça, c'est sûr. Ah, notre plafond de verre, nous. Bah ouais, et puis avec toutes les compétitions qu'on joue, ils sont fatigués, nos joueurs aussi. Quand même. Justement, est-ce qu'on peut parler de l'alourdissement du calendrier avec le tirage au sort de la. Ah, Ligue Europa, conférence. Ah, non, allez, parlons-en, parce que de toute façon, après, il n'y a que la Coupe de France. On a fait le tirage au sort. Nos deux compétitions qui arrivent. Alors, on me dit qu'on a bientôt le tirage de la Coupe de France en direct. On secoue les boules. On secoue les boules, alors attention. Vas-y, cette année, c'est moi. Voilà. Pour le Racing. Alors, je tire une première boule. Le Racing. À domicile. Le Racing à domicile. Wouh! Et maintenant, je tire une deuxième boule. Il n'y a plus rien. Attendez, je cherche. Il n'y a plus rien. Attendez. Du coup, je suis obligé de chercher dans la poubelle. Oh merde, et du coup, c'est Nice. Oh. Ah. C'est très mal organisé, ce truc. Non, c'est dommage, le club était à son endroit. Je comprends pas. Donc là, on joue à domicile contre Nice, qui est juste avant le barragiste. Ouais. Au classement. Ah, ils sont au fond du dans les choux. Billet gratuit. Alors là, ça a été confirmé de manière officielle, c'est billet gratuit jusqu'à la demi-finale. Inclus. Bah c'est ça la question, inclus ou pas? Inclus. Jusqu'à demi-finale. Inclus. Parce que billet gratuit pour la finale, bon. Merci Marc. Putain Marc là, et il part sur un. Il s'en va, mais grand pas, c'est un peu d'artifice. La phrase, c'est Coupe de France inclus jusqu'au demi-finale, match à domicile. Ah ouais. C'est sur un poste officiel du Racing Club de Strasbourg. J'ai été trollé. Ouais, bah alors là. Donc, du coup, ça veut dire. Du coup, Marco en PLS. Hein, ça va être, tous les matchs à domicile. Heureusement qu'on a joué à Avranches à l'extérieur. Hein, ça lui a économisé un match, mais ça va lui. Là, c'est quand même génial, parce qu'effectivement, à chaque fois, on perd et ça leur fait perdre. J'espère qu'il va se rattraper sur les billets de conférence. Bah, sur les merguez, il a limité la taille. Je prends un petit coup. Ouais, bon. Parce que conférence, on a tiré qui? Alors, Conférence League. Ah. On a tiré là, le fameux bon club croate, pardon, oui, de Rijeka. La cage à poules. Ouais. Moi, je me suis resservi déjà. Il y a quand même un sujet de tirage au sort. Alors, on est verni actuellement. Ah bah, le budget. Boule chaude est énorme. Le budget boule chaude est énorme. Moi, je l'ai dit, genre, est-ce que Marc Keller serait pas cocu? Mais ça sera dans. Oh, alors là, tu veux finir. Tu... Dans l'émission, tu veux finir, l'émission de fin de saison. Quoi, tu veux finir ICS, ça, ça sent l'ICS-Rie, ça. Non, mais c'est vrai, avec mon pseudo. Geekes. Ah non, c'est pas moi. Ah. Bon, bref. Guy Feyenbruegel 76. Non, bah, bref. Donc, Rijeka. Bon, on peut parler de la Coupe d'Europe aussi. Est-ce qu'on a déjà eu un envoyé spécial à Rijeka qui serait peut-être allé en vacances? Ouais, je suis allé à Fiume. Parce que Fiume, c'est l'ancien. En Istrie, voilà, c'était italien jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Entre la première et la seconde, c'était compliqué. Non, il y a eu une république indépendante, voilà. Ils étaient dedans. La ville libre de Danzig. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Donc, moi, j'y étais voir un match de Coupe d'Europe déjà. Et ça, c'est la classe. C'était contre Djurgården, les Suédois. Ouais, ancien club de Farnerud. Voilà, j'étais en vacances dans le coin, donc je suis allé voir le match. C'est pittoresque, hein. C'est un stade pittoresque. Ils sont à priori en train de construire un nouveau stade au bord de la mer, okay. Mais celui-là il est, je sais pas, 1 ou 2 km dans les terres. C'est genre 4000 personnes, un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment un stade, tu sais même pas comment c'est possible d'être qualifié en Coupe d'Europe avec un stade comme ça. C'est un stade en carton-pâte avec évidemment le parkage connu maintenant de tout le monde, voilà. Qui ressemble à un box de départ du tiers CPMU à Deauville avec Amir Deboukhan dans la quatrième, qui a une super cote. Non mais c'est et il y avait 250 quand j'y étais, il y avait environ 250 Suédois qui étaient là-bas enfermés dans la cage. Moi j'étais en latéral avec les supporters locaux, sachant que le COP est à l'opposé du parkage. Okay. Mais le COP est pratiquement aussi grand que le parkage, hein. C'est microscopique. Ils ont une cage aussi. Ouais. En face il y a une vraie tribune en dur et moi j'étais dans la tribune latérale qui est en dur mais en dur version Furiani quoi. Tu vois. Ouais. C'est un peu. Ne tapez pas des pieds. C'était un peu ça l'idée. Et c'était le football de papa. C'était le football à l'ancienne où tu bois des bières dans la rue, tu poses tes bières, tu te gardes déjà n'importe où, mais vraiment n'importe où. C'est-à-dire que là où t'es, point mort, frein à main, tu coupes le contact et tu vas au stade. Et tout le monde est garé sur la route, donc il n'y a absolument aucune ambulance qui peut passer. Enfin, ah, c'est très bien. Tout le monde boit des bières, tout le monde est bourré. Après, bon, il y avait des Rolands, hein. Les Ouslachis, c'était en Croatie. Voilà, donc un joueur noir touche la balle. C'était, comment dire, c'était coloré. Ouais. Les champs étaient légèrement colorés. Fantaisiste. C'est sûr que pour nous, ça va être ça. Ça fleure bon les années 80. Quoi. Ça fleure bon le carnaval de Moterre. Et vous sentez comment vous sentez comment les directives UEFA sur nos tout racisme Ah ouais, là, ils y sont pas, là. Ça reste la Croatie, c'est vraiment old school. Par contre, le niveau déjà à l'époque était pathétique, et là, a priori, de ceux qui regardaient les matchs, bah, c'était comme, je sais pas, il y a 3-4 ans. Ouais, et ils étaient nuls à chier. Ils ont sorti les Chypriotes d'Omonia Nicosie. Ah, bah, qui auraient été potentiellement nos futurs adversaires. Avant qu'ils prennent un missile. Je pensais que tu parlais à l'époque. Et donc, du coup, ouais, c'était. Oui, alors, exactement. Mais j'avais la référence. Par contre, c'est un club qui, dans Istrie, là, c'est vraiment le club number one. Il y a pas mal de fans dans toutes les villes, même à, je pense, à 50 bornes ou 100 bornes à la ronde, ils sont fans de Rijeka, quoi. Mais en l'occurrence, c'est tout petit. Le bassin de fans, ça n'avait pas l'air hyper impressionnant. Je ne sais pas si c'est une légende du foot croate qui a joué là-bas. Bon, c'est bien possible. Il faudrait se renseigner, quoi. Mais voilà. Mais en tout cas, c'est encore une fois un tirage exotique à une dizaine d'heures de voiture de Strasbourg. Et deux vignettes. Elle est très bien, cette coupe. Hier, ils ont battu le Hajduk Split en Coupe de Croatie. C'est plus le grand Hajduk Split. Mais elle est bien, cette Coupe des Villiers, des fois. Hein. Ah non, elle est top. Franchement. En voyage. Et donc là, du coup, c'est autoroute pour la finale. Toute la braguette qui a été ouverte. Là. Ou le bracket qui est. Ouais, le bracket est ouf. Il est ouvert jusqu'au. Ah bah si, c'est un joueur historique, il y a Josip Skoblar qui a joué. Ah, voilà. Elle est famoso. Voilà. Et donc, Marseillais. Et donc, on a échappé à tous les groupes. Et Freddy Bobic. Ah oui, Freddy Bobic. La légende allemande Freddy Bobic. Il a commencé là-bas. Oui. Il est né en Allemagne, non ? Freddy Bobic, il est né à Maribor, donc c'était en Slovénie, on est d'accord. Ça, on voyage. Mais à l'époque, c'était la Yougoslavie. Et il a fini à Rijeka pour mais il a fait un essai au Racing. Ouais. C'est la légende, effectivement. Il y a Kramaric pour un joueur plus moderne. Kramaric a joué à Rijeka. J'essaie de trouver des mecs un peu connus. Une fois qu'on aura terminé le All-Star de Rijeka. Mais on finit, hein. On va parler du parcours qui va suivre en Coupe des Villiers. On peut jouer Mainz. Mais là, on est du côté du bracket où il n'y a personne. Ouais. C'est de l'autre côté qu'il y a tous les autres. Il y a Fiorentina et Crystal Palace. Mais encore, il y a quand même des épouvantaux. Il y a Rayo Vallecano. Oh, très bonne chance. Et l'AEK Athènes. Samsung Sport. Vous allez trop loin. Ouais. Je dirais. Le groupe vit bien, match après match. Le groupe vit bien, match après match, tour après tour. L'important, c'est d'être step by step. Et surtout, on prend du plaisir. Hein. Le plus important, c'est ça. Ouais. On est, franchement, on est comme des frères avec notre entraîneur, Liam, Gary. On est vraiment. Entier. On est comme des frères. Dans blanc. Comme des frères. Mais est-ce qu'on parle pas à la Coupe de France? C'est une autre compétition qu'on joue. Ouais, mais Esprit Coupe. Bah, Esprit Coupe. Bien sûr. Bon, on a torché Monaco, on a éclaté Reims avec deux pénalties. On a vraiment torché Monaco, par contre. Pour le coup. Ouais. Bon, en même temps, c'était le fantôme de Monaco. Match, ouais. Oui, mais match abouti. Ah non, il t'a la mine. Bon, pardon. Bon, c'est horrible. Si. Ouais, j'ai vu ce match. Oui, j'ai vu ce mais match. Mais oui, c'est hier, avant-hier. Non, je te parle de Monaco. Ah, pardon. Mais essaye de suivre. espèce d'abouti. abouti. Mais oui. Depuis tout à l'heure, il nous a dit que. Boli abouti. Rappelez-vous cette banderole. Boli abouti. Non. Il y avait une banderole une fois, c'était. Attends. Boli abouti. Abouti? Boli abruti. Mais ils l'auraient fait abruti. Abruti. Ah, ils ont pas voulu faire. Deux souvenirs de banderole, mais. Ouais. Boli abruti. C'est les Lyonnais, je crois. Oui, on n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de toi, il y avait IDS. Oui, c'est ça. Ouais. Bref. Coupe de France, ouais, bon, Monaco, on les a éclatés. Et puis hier, on a deux pénalties. Penalty Gate, c'était super. Panicelli qui envoie de nouveau un pénalty. On n'a que des pénalties. On a trois, non, droit, un nul. Ouais! Exactement. Déjà contre Lens, il y a eu un annulé. Ouais. Annulé de Guessim. Yacine Gessil. Voilà, qui se jette avant de se faire toucher. Qui a dit si c'était à refaire, je me serais acheté quand même. Ouais, et qui a dit à l'arbitre s'il vous plaît, me donnez pas. Toi, tu l'aurais annulé. Stop. Vas-y, stop. Non, mais ça me choque. Je veux dire, pour moi, il y a péno tous les jours, mais je comprends qu'il saute en même temps. Il a trop cherché. Mais bon, il y a péno. Il passe entre les deux. Les gars, ils sont battus. Pour moi, il y a péno. Mais je suis d'accord surtout avec toi. Surtout depuis mon canapé. Toi aussi, ouais. Mais je suis d'accord quand tu as écrit que Jessim, voilà, qui a été un peu bombardé comme le Ryan Messi. Tu as été plus tempéré sur ton jugement en disant, voilà, à confirmer, parce que là, il a joué contre Nakamura. Nakamura qui avait une particularité quand même. Hier. Il a gagné les victoires de la musique, non? Non, je pense que c'est le joueur qui a joué, à mes yeux, avec la plus petite paire de protège tibia qui est possible de jouer. Je pense que le mec a dû mesurer au pied à coulisse, qui est autorisé dans le règlement. Et mais c'est incroyable. Je pense que des sockets comme portent les adolescents actuellement, c'est plus grand que les chaussettes que portait Nakamura. Mais c'est un truc de fou. Il avait des chaussettes, c'était l'équivalent de deux capsules de bière. Quoi. Et il a marqué. Non, mais je me dis, l'arbitre l'a forcément autorisé à jouer avec des protège-tibias. Enfin, c'est obligatoire, ça fait partie du. Ouais, aussi, Enciso Barco, Doucouré. Non. Mais là, l'autre, Enciso Barco, c'est deux fois plus grand que ce que portait Nakamura. Je ne sais pas. Il doit les faire fabriquer au Japon par des petits enfants. C'est un truc, mais c'est un jouet. Et c'est le genre de mec que, dès qu'il prend un coup, il se frotte le tibia parce qu'il a mal. Ah, bah oui, oui. Tiens, c'est... Par contre, il n'a pas marqué, mais ça ne l'a pas empêché de célébrer sa fameuse danse. Oui. Et Nakamura. Alors, voilà. Vas-y, il est en permission. Il nous a dit que, de manière générale, on a compris que les matchs à la Méno tournent à 60e, il arrête de les regarder. Ah ouais, parfois à la 20e. Parfois à la 20e. Parfois même complètement. Oui, complètement. Oui, complètement. Non, Nakamura, il n'avait pas de protège-tibia, je ne sais pas comment c'est. Ou alors, c'était un des trucs, je ne sais pas, factice, quoi. Est-ce qu'il est reparti en vélo? Non, bon, Mais c'est sûr que Guessim là il a enflammé contre une Ligue 2 quoi. Contre une Ligue 2, un mec qui était pas vraiment défenseur et il a bien provoqué mais la culture c'est la culture choses. De l'instant cher ami. C'est-à-dire que maintenant un joueur fait un bon match, le premier. Les mecs qui sont là, ils sont là, je sais plus quelle presse qui fait un article en reprenant tous les commentaires sur les réseaux sociaux pour te dire que le mec, il est formidable, que les mecs de Chelsea évidemment se voient le rapatrier dès cet été. C'est un vélo. C'est pas bon. Oui, c'est les vélos de chez Intersport. Non, parce que là, on fait. Parce que ma femme, elle roule sur Nakamura. Dis donc. Il est chanceux. Ou elle, c'est ça. Avec ses tout petits protège-tibias, c'est peut-être. Elle sentait rien. Et est-ce qu'on a tout fait sur Nakamura? Et donc, du coup, là. On est pas mal. Alors, on est. Et si ça se trouve, pendant trois matchs, il va rien branler et les mecs, ils vont le descendre en flamme. Ça me fatigue, cette culture de l'instant où un joueur, laissez-lui jouer des saisons complètes avant d'avoir un jugement, machin. Putain, c'est fatigue. C'est des matchs complets déjà, pour commencer. Ouais, déjà des matchs. C'est son premier match. Titulaire. Ouais, titulaire. Ouais. Calmons-nous, quoi. Ouais, lui, il a fait un bon match, mais il a joué contre une équipe de merde. Hein. Faut lui dire les choses, quoi. Et Moreira va manquer plusieurs semaines, donc il a peut-être une fenêtre, mais là aussi, ça risque de. Il risque de se frapper le mur au prochain match. Non, mais je veux dire, JP Darky, s'il fait la bagarre avec un gosse de 10 ans, il va être très bon. C'est ce qui marche souvent d'ailleurs. Voilà. Peut-être que la semaine prochaine, s'il fait la bagarre avec quelqu'un d'autre, ça sera moins bon. Ouais, c'est un sujet chiant. Et d'ailleurs, bel arrêt de Penders, quand même. Extraordinaire. Ouais, j'entends. L'expert, là. Que Penders est, pardon, le joueur, vraiment le joueur qui progresse dans cette équipe. Mais là, Larry, en fait, c'est 0-0. Pas une chérie, donc quand tu vois ces contrôles qu'il faisait dos au but, où il partait à peu près à 800 mètres, il se retrouvait au niveau du terrain à faille sur chaque contrôle. Maintenant, il arrive à garder. Mais pas une chérie, au début, on l'aimait quand même bien parce qu'il était argentin. Oui, alors que Penders, il est belge. Il a une sale tête. Par contre, il n'est pas gracieux. Hein. Comme il gagne 100 000 euros. Ouais, mais là, cet arrêt à 0-0, il change un peu le gars. Alors que, évidemment, les mecs de Reims ne sont pas touchés une balle du match. Et la seule fois où il rentre dans la surface, c'est le mec qui t'envoie un exter. Il est parfait. L'exter, il va directement dans le petit filet et il la détourne, mais il n'y a pas beaucoup de marge. S'il est masqué. Non, c'est fou parce qu'en plus, de manière générale, 80% des arrêts des gardiens, c'est des arrêts qu'ils doivent faire. Tu vois, c'est rare, tu regardes sur une saison, c'est rare un gardien qui fait vraiment un arrêt qui te fait gagner des choses, qui devrait. Normalement, on ne voudrait pas. Quoi. Bon, on a eu Petrovic, pas qui. Oui, il a marché sur. Du coup, c'est un objectif ou pas la Coupe de France? Quand tu es en demi-finale, est-ce que ça devient un objectif quoi qu'il arrive? Bah oui, parce que c'est une question, c'est une question Minitel que je comme, pose moi-même. Comme tu vas pas te qualifier par le championnat, ouais. C'est un, voilà, c'est une assurance. Alors, moi c'est ce que je pensais. Mm. Et j'ai entendu Manfred qui nous fait un ah comme ça. Ouais. J'essaie de bien éviter. Et il paraît qu'il y a des gens hyper éminents qui ont fait un voilà, qui ont fait un calcul sur le calendrier et on aurait parmi les 8 premiers clubs truc. Mais qui ont les calendriers les plus favorables. On rencontre globalement la Ligue du championnat. Mais justement, quand on joue contre la Ligue, on perd. Le Havre, Angers. C'est ça le truc. Non, je pense qu'il y a une particularité, un tout petit peu. Non, je pense que c'est foutu parce qu'il faut gagner 7 matchs sur le prochain. Donc, ah ouais. Mais c'est que cette saison, les 3 derniers, ils sont tellement mauvais qu'ils sont les 3 derniers. Que devant, ça va bien jouer, ça va bien commencer à gagner et tout. Et donc, il va y avoir, je pense, dans quelques journées, si cette équipe qui n'auront plus rien à jouer et qui vont être plus libres, je rouvre. C'est pas comme le Havre qui arrive chez nous. On aura une réponse assez rapide. Oui, Strasbourg, en fait. Les 3 prochains matchs, c'est réglé. Bah, déjà, ce week-end, tu joues contre Auxerre. Si tu fais le même match qu'au Havre et que tu perds, c'est qu'on a décidément. On laisse tomber. On a laissé tomber le championnat et qu'on veut jouer à fond la Coupe de France. Et d'ailleurs. La Coupe de la Ligue. Et d'ailleurs. La Coupe de Conférence. Et d'ailleurs. C'est une question militaire. C'est une question militaire. Oui, d'une personne qui ne peut pas nous écouter en direct. Ça tombe bien, on ne passe pas en direct. Parce que cette personne est occupée à la cathédrale de Strasbourg ce soir. Ah oui. Mais oui. Pour faire quoi? Pour aller prier? Non, c'est pas la cathédrale de Strasbourg. C'est pas la cathédrale de Strasbourg. C'est l'église Saint-Thomas. Ouais, ok. Pour un spectacle avec des lumières. Des lumières et tout. Cette personne est soit en poule. Parce que ce qu'on peut faire, cette personne est en rapport avec le spectacle. Elle est déguisée. Donc, c'est soit cette personne fait de la lumière colorée, soit je ne sais pas. Mais cette personne a posé une question sur Twitter. C'est quelqu'un qu'on connaît bien. Parce que je crois qu'on pose souvent ces questions. ST Sébastien. Oui. @STSeb67 sur X, anciennement Twitter, qui demande Strasbourg en 1 sur 2 de Coupe de France. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est demi, c'est ça. Doit-on faire all-in? Je traduis pour les gens. Ouais, moi, je suis de l'époque 25 Jump Street, hein, je comprends pas les trucs. Doit-on faire all-in désormais sur cette compétition plus la Coupe des Villes et des Foires et délaisser un peu plus ce championnat où on a un ou deux trains de retard sur les places européennes? Voilà, on a déjà répondu en réalité. Mais c'est ça la force de Radio Show. Oui, c'est on est visionnaire. C'est répondre en avance aux questions qu'on nous a déjà posées. Exactement. Donc voilà, donc on a répondu. Voilà. Mais écoute, parce que là, on allait répondre, il y a calendrier. Donc, on disait. Vas-y, hein. Auxerre là-bas. Ensuite, Paris FC, qui est quand même pas des foudres de guerre. Et il y a aussi Nantes. Ah, il y a le coach maintenant. Ah oui, Jean-Ki. Oui, Antoine. Qu'est-ce que là? Ah oui, c'est vrai, ils ont Antoine. Antoine Comboiré. Ouais. Il y a un autre Stubiste. Je sais pas si les victoires sont forcément garanties contre ces trois-là. En tout cas, la question sera réglée si on ne sort pas avec cette. À la fin mars, ouais, bah, on aura déjà eu la fin de l'affrontement avec Rijeka. Ouais. Et voilà, on en saura mieux à la fin mars pour le prochain épisode. Voulez-vous que je vous aide? Non, mais vraiment, je suis. Tu es allé trop loin. Non, viens. Tu sors de l'autre côté. Regarde, il faut aller encore plus loin. Ah, j'ai cru que j'étais allé trop loin. C'est toujours aller. Il faut aller plus loin dans la blague. Et c'est une 2011, hein. Ah ouais, c'est vrai que c'est vrai. Okay. Non, c'est pas une 2011. Si. Si, il y a écrit 2011. C'est vrai. Ah, quel talent. Ah ouais, j'étais pas allé assez loin. Je croyais que t'allais trop loin. Toujours plus loin dans la vanne. Une autre question d'un autre. Ah ouais, c'est 2011. Ouais. D'un Stubiste reconnu qui s'appelle Super Dohu. Ah, il est Super Dohu. Il est très connu. Qui pose là une question un peu affilée qui disait s'il fallait faire l'impasse pour faire souffler les joueurs sur une compétition. Est-ce que ça serait la Coupe de France, le championnat ou la Conference League? Moi, la réponse, elle est toute trouvée. Elle est vite répondue. Ouais. C'est des tafioles. Non, c'est le championnat. Le championnat, on prouve bien que. On n'y arrive pas. Ouais. Par contre, je suis sûr qu'on va jouer la Coupe de France et la Coupe de la Ligue Conference à fond les ballons. Je le sens comme ça. Les mecs sont motivés, c'est des équipes de coupe. Le Racing, c'est une équipe qui fait des coups. Là, cette équipe-là, comme elle est designée, c'est pas une équipe. Déjà l'année dernière, elle passe son temps à gagner, à perdre. On a perdu déjà là autant de matchs que toute la saison dernière. On faisait très peu de nuls, là on en a fait deux là récemment. Ouais, mais même en championnat, on a déjà là, en février, on avait perdu autant de matchs que toute la saison dernière. Donc, okay. On gagne, on perd, on gagne, on perd. On est azimuté. C'est une équipe de coupe. Elle est designée pour faire de la coupe, pour faire des coups. Je pense qu'on va faire une des deux finales. Je pense plutôt la Coupe de France, ça sera plus facile, mais on va faire. Et on perd contre Toulouse. Est-ce que c'est plus facile la Coupe de France ou la Conférence League? Je crois que la Conférence League est plus facile. Hein. Ouais, moi ouais, je pense. Ah, mais la conférence, il faut faire 8e, quart, demi, il faut en passer 3. Il y a Jean-Michel Aulas qui nous prévient que la semaine 2-0. Ah, oh, c'est trop dommage, nos amis, ces enculés de Lyon. Enfin, Oh, toute cette tension avec les Lyonnais. Ça fera faire un Frérico en finale. Ouais. On n'en sait pas quel endroit d'Angers de soleil. Justement, à Lyon, non. Ça serait magnifique. Ah oui, quelle bonne idée. Bah, je pense que franchement, je préfère jouer Lens que Crystal Palace. Crystal Palace que Lens plutôt. Tu préfères, ça c'est le jeu quand ils avaient... Tu préfères avoir des bras de 4 mètres ou des jambes en mousse. Ou des protège-tibias de Nakamura. Attends, je te trouve une photo. Donc en gros, on en est où là? On dit quoi? Que la Coupe de France est plus dure que la... On en est là quand même. La Coupe de France, il nous reste Nice à domicile et potentiellement Toulouse ou Lens. Ouais. À moins que ça change. Lens recevant Toulouse. Donc Lens... Ouais. Et c'est vrai que Lens, on avait dit qu'ils étaient bons avant, c'est ça? Ouais, c'est ce qu'on a dit. Moi, j'ai trouvé mon nom. Ouais, putain, merde. Meilleur que nous, déjà, c'est sûr. Je pense qu'il faut faire un pas sur la Coupe de France. On va peut-être plutôt faire un pas sur la Coupe de France, ouais, ça me paraît. C'est vrai quand on sera en finale. All-in sur la Conférence League. Ouais. Et quand on gagne la Conférence League. Leipzig ou Lyon? Je sais pas. Et en plus, quand tu gagnes la Conférence, tu vas dans l'autre. Tu vas dans l'Europa League. Comme Chelsea, et surtout, tu reverses ta place. À la France, à ton pays. Donc, bah, Blouco. Tu vas avoir Monaco ou une équipe comme ça qui va nous supporter. Mais on devrait reverser à Blouco. Et du coup, c'est Chelsea qui gagne le droit d'aller jouer. Jouer en Conférence League l'année d'après. Et comme ils seront déjà qualifiés en C3, C3 plus C4, égale C1. Bah, on achète un nouveau club. Non, on achète un autre club. À qui on refuse notre place? Non, à tu sais quoi Amiyaou. Non, on met un hôtel sur. Sur la vue de la paix. Rue de la paix. Bon, on ne sait plus. On ne sait plus. Quoi? Bah la Coupe de France, on en a bien parlé. Ah ouais, vraiment bien. Franchement, la EK Athènes, ce serait drôle quand même. Des Turcs ou des Grecs? Tu parles de la EK Athènes? On ne sait pas. Donc, fait, franchement, c'est difficile de savoir. Est-ce qu'on pose... On en est où dans l'agenda pour savoir... Dans le... Ah, moi, personnellement, je suis en vacances pour la demi-finale. Mais ça ne s'intéresse personne. Ça, la Athènes. Non, bah, du coup, pas du tout, mais. Non, parce qu'il y a, ouais, je sais pas, parce qu'on peut poser les questions Minitel. Si on a fait la Coupe de France, on a fait les matchs, on est sur les questions Minitel. Ok, du coup, je pose les questions Minitel de gens qui n'ont pas encore posé les questions Minitel. On a déjà 10 minutes pour les questions Minitel. Ok, de toute façon, il y a le quiz de Morphe. Il est venu sans quiz. Ah, d'accord. C'est que Seb qui fait. Alors, Mammouth, on y va très vite. Là, maintenant, il faut répondre. Et vous, Mammouth, du site racingstou.com, qui me demande, surkiffer, attention, là, on est sur du tu préfères, ça, on est sur de la philosophie. Ok. Tu préférais Mega ou. Non, surkiffer. Surkiffer. Khomeini, il a un petit zizi, quoi. Attention, oh putain, arrête, parce qu'on est drone. Il y en a un des deux qui est mort. Surkiffer l'équipe du Racing saison 25/26 sans être là fan de Blucco. Est-ce que ça fait de nous des footix? Oui. Réponse rapide. Concis. Enfin, à vous, vous avez le droit de. On développe ou c'est bon? Non, on est d'accord. Ça. J'ai pas compris la question. J'ai vraiment d'énormes problèmes de prononciation. Il y a Mammouth qui demande. En gros, si tu apprécies le Racing de cette saison... Est-ce qu'on peut dire Mammouth dans... Mammouth, qui a fait beaucoup à mes hommes. 1990, encore une fois. Mammouth. Vous vous souvenez? Non, Mickey Larson. J'avais un an. Ah, Mammouth. Ouais, moi, j'ai vu en rediff, évidemment. À l'époque. En rediff des VHS. Ouais. Tu as fait beaucoup à mes hommes. Alors, donc, sur qui... Donc, il demande... Non, mais il demande ça. Si tu aimes le Racing de cette année, mais que tu n'es pas fan de Blucco, est-ce que tu es un footix? L'important, c'est qu'il ne soit pas fan de Blucco. C'est vrai. Bah, ça dépend. Est-ce que tu apportes un avis différent? Parce qu'on fait, tu sais, c'est l'ouverture ici. Hein, il me semble. Hein. On fait venir des gens d'autres opinions. le baisson de Sarkozy. On ouvre les fenêtres. On peut reposer la question. Donc en gros, t'aimes bien Bruno Gaudreau ou pas? Non. Bon, bah d'accord. Non, mais il peut kiffer, on peut kiffer la saison. Mais tu as aimé la saison ou pas? Tu aimes la saison ou pas? Ouais. Moi, j'aime bien les joueurs, en fait. J'aime bien Marco qui a envie de mettre des coups de boule même à ses propres coéquipiers. Ça, il est attachant. Il y a des joueurs un peu fantasques. Ah, t'allais dire fantaisiste. Non, j'ai cherché un. La C4 et les déplacements pas possibles, moi j'aime bien ce délire-là. Tu vois. Ouais. C'est vrai qu'en c'est de la merde, quoi. C'est punk là, genre. Ah oui. Justement, je trouve qu'elle est bien cette coupe, elle est adaptée au Racing. Bah oui. Faut pas... Si on pouvait être d'office qualifié là au titre de la représentation au Conseil de l'Europe, c'est pas mal. Bah, c'est ça qu'elle non, c'est un peu la Coupe d'Europe, tu vois, des sous-préfectures, quoi. Mais oui, ouais, Coupe des villes, des fois. C'est ça. Fiac contre ouais, Saint-Brieuc, c'est pas des gros trucs, mais ça reste, quand tu vas à Bratislava, les mecs de Bratislava, c'est leur club, ils l'aiment bien. Enfin, tu vois, c'est un club d'université locale, c'est leur truc, quoi. Rijeka, c'est le club local du coin qui performe. Est-ce qu'on aurait eu cette Coupe sans Blouko? Je vous le demande. Sans le PSG, non. Ouais, donc voilà, donc bon, alors on a répondu, je pense. Ouais, déjà, si la coupe avait existé à l'époque où Stéphane a emmené le Racing en la 6e place, on l'aurait joué. Mais elle a été créée un an après. Ouais, comme quoi on est. Mais, par réaction, parce que les mecs étaient tellement déçus qu'on joue pas. Mais voilà. C'était clair. Est-ce qu'ils font clos? Je pense que c'est le secrétaire d'État du Conseil de l'Europe, machin, le Norvégien, qui est mouillé dans l'affaire Epstein. Attends, je pense qu'il a créé cette coupe, il a appelé Infantino. Voilà. Et donc voilà, puisque bah, du coup je rebondis, t'as dit Barco. Comme t'as dit Barco, je cite Innominé du site RacingStoop.com. Innominé Patria. Exactement. C'est bien ce que tu viens de dire. Depuis que Barco a changé de coiffure, ses prestations sont devenues indigentes. Il a pris un 3 dans le DEN. Hein. Pour sa coiffure? Pour un pour le match. C'est l'homme. Pour le match d'avant-hier, c'est-à-dire le match de Coupe de France contre Reims. Ah, de Coupe de France? Ah, ouais, ça taille. Hein. Ah, ouais. Mais ça taille pas les cheveux, hein. Ça, c'est je peux te le dire. Il y avait un truc à faire avec les cheveux, c'est clair. Est-ce qu'il faudrait mettre une clause coiffure pour les prochains recrutements? À mon avis, c'est une question drôlatique. Je ne vous êtes pas obligé de répondre. Mais j'avais envie de dire oui, mais. Non, mais j'ai vu quelqu'un qui avait posé une question un peu plus sérieuse sur Marco en disant est-ce qu'il a déjà tout donné? Autrement tout dit, je pense qu'il faisait le parallèle avec un Anasi qui est arrivé feu follet. Il a fait quoi, 10-12 matchs où il était vraiment excellent et après, fini, merci, bonsoir. Je cherche la question. On avait mis ça sur, le fait qu'il soit norvégien. Voilà. et est-ce qu'il a vraiment tout donné déjà, Marco? Est-ce qu'il est cramé? Non, pas du tout. C'est une question de Samache. Samache? Ouais. Barco n'en a-t-il déjà plus sous le pied? Voilà. J'avais lu ça. Ouais, c'est Samache. On a déjà noté. Ah, hein. Je pense pas. Exactement. Est-ce que du coup on pose une question de Rock Horace? Ah, oui. On n'a pas répondu. Ah oui, on n'a pas répondu, pardon. Ouais, moi je suis dans le. Non, mais il a encore sous le pied. Oui. Aucun doute. Ok. Toi qui n'as pas mis son coup de boule un joueur grec en lui rendant très ponctueux. Après, et le fait qu'il soit effectivement en Dancy, ça peut. À Danzig, ouais. Mais non, moi je pense que Barco. Mais même en Danzig. Alors pas des grands joueurs au Racing, parce que l'année prochaine, clairement, il joue plus chez nous. Même en étant mauvais, il fait des passes en profondeur. Alors, moi par contre, j'ai été un peu frustré quand même au dernier match de Coupe de France. Mmh. On n'a pas vu jouer Oye Edele. Maxi. Il avait joué des trucs. Et. Maxi Flash. Parce que depuis qu'il y a Oye Edele qui est de retour, est-ce que vous avez des nouvelles de Amogou et de Louis, là, Raphaël Louis? Mais je sais pas qui sont ces gens. Ah, je suis désolé. Ils sont partis, non? Je pense qu'ils ont signé au FC Téhéran. On ne les voit plus. C'est vrai qu'on a été informé là récemment, ils sont sur le tour. Persepolis. C'est deux sites de référence. Moi, je crois qu'on s'est fait joueur jacké. De joueurs. J'étais là, il y avait les trois joueurs. Les joueurs qui ont été transférés il y a genre deux mois. C'était pareil, Badou. Tidiane Diallo a signé début février au FC Lucerne. Et Badou. U21. Moi, j'ai vu un match d'ailleurs. Ah, des trucs comme ça. Mais du coup, pareil, on a. Et inversement, on a un joueur qu'on a prêté à Toulouse qui visiblement s'éclate à Toulouse là. Ah oui. Mbadiop, qui du coup a priori ferait pas pâle figure avec bah, par rapport à Rafael Luiz, c'est assez facile, je veux dire. Rafael Luiz, je peux rester. Ou 11 Anita Schäfelstein. Tu parlais du FC Lucerne avant, je voudrais faire une parenthèse parce que je pense qu'il y a des. Du fromage suisse, non, mais il y a des opportunités pour le Racing, ouais. J'ai vu FC Bâle, Lugano, et là-bas, les arrêts de jeu sont sponsorisés. Quoi ? Oui. Par Novartis. Dis-nous en plus, dis-nous en plus. Par, alors, parce qu'en fait, t'as un sponsor pour les corners, t'as un sponsor pour les arrêts de jeu, je vous jure. Par l'écran géant, Et donc, le monnaie comment ? Eh ben, t'as une marque qui arrive, j'ai oublié la marque malheureusement. Mais elle arrive comment ? Les arrêts de jeu vous sont proposés par les cacahuètes Tom Yam. D'abord, à l'écran, t'as une animation géante, colorée, multicolore. Enfin, c'est au Luna Park. Hein, c'est très bizarre. Dans des trucs. Et puis, il y a un mec, mais c'est dans la langue de là-bas, donc il fait. dans la langue locale, et t'entends la marque. Et donc, tu as les cartons jaunes sponsorisés. Non, mais si, mais c'est véridique. Les corners, les. Et donc les arrêts de jeu. Alors on n'a pas vu le carton rouge, on n'a pas vu. Le carton jaune, mais sans le carton jaune, il y a un sponsor sur le carton jaune. Non, mais à l'écran, ce carton jaune. Alors, à l'époque. Le carton jaune, c'est fait. Qu'est-ce qui jaune et qui attend ? Mais alors, on n'est pas si loin. Il y a 6-7 ans, parce que j'avais vu plusieurs fois Bâle FC Thun à l'époque. C'était les cartons jaunes, je ne rigole pas. C'était une chaîne de cuisine asiatique. Et donc, quand il y avait un carton jaune, tu avais Maître Chang, je ne sais pas quoi, qui apparaissait sur l'écran. Voilà. Et je pense que toutes ces opportunités manquaient. Le FC Thun, tu veux dire du club qui est leader du championnat actuellement, suisse ouais. Et qui va gagner le championnat. Et Lugano sera deuxième. Hein. C'est délirant le championnat suisse actuellement. Enfin voilà. Non, voilà, c'était une parenthèse. Sur des opportunités. Ouais, là, je crois qu'on va s'arrêter sur la dernière question militaire, peut-être. Je pense parce que Jean-Luc, il serait trop surmené, là, si tu lui demandais de. Ouais, exactement. Alors, il ferait des accents, surtout. Il ferait des accents en continu, puisqu'il doit répéter 25 fois chaque truc. Alors, le carton, carton. Est-ce que vous êtes prêts pour une question, la dernière ? Une question de Val de Stras. Ah oui, bah évidemment. Du site racingstou.com. 82 grands thèmes. Euros de perte sur l'exercice 2024/2025 pour le Racing. Jusqu'ici, tout va bien pour l'interrogation. Keller, virgule, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Comment passer d'Angela Merkel à John Hammond ? Deux points, j'ai dépensé sans compter. Déjà, on va apprécier le nombre de références. Ouais, c'est ça. Par rapport à John Hammond, quoi. Moi, j'ai envie de répondre, on a de l'argent. Ouais. Et avant Bouco, on n'avait pas d'argent. Bah en tout cas, on en dépense. Ouais. Mais j'ai pas compris la question, je dis comme. On dépense beaucoup d'argent. Est-ce que ça va durer ? Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on a un mur. Mais on va dedans et on se dit. En klaxonnant. On klaxonne et on passe la sixième. C'est ça. Et on verra bien ce qui se passe. Est-ce que le mur va craquer ? Est-ce qu'on va réussir à renverser toutes ces règles qui brident nos investisseurs courageux Évidemment. Est-ce qu'on va réussir à passer à travers le mur ? Ou bien le mur a été renforcé par deux énormes cubes de béton et on va se fracasser de contre ? Bah oui, mais j'ai envie de dire réponse au prochain mercato parce que. Ouais, tu peux te délester un petit peu pour. Ralentir ta course vers le mur. Tu peux recruter une fois 1000 personnes. Ouais. Le truc, c'est que les gens pensent que nous, on est un peu excités par cette fin de saison, par trois tableaux, on est encore en cours. Rien à foutre. Nous, on frissonne de plaisir pour le mois de juin et le début du mercato. Le mercato, c'est ça qui nous fait jouer. C'est con, il y avait une question militaire mercato. On veut des pépites. Bah oui. On veut de la pépite. On va faire deux choses. On va la poser cette question, mais d'abord, je pense que ce qu'il voulait dire, mais on ne va pas répondre du coup, c'est comment Keller a pu passer. De ce radin qu'on a connu à l'époque à cette personne dépensière. Mais c'est très simple. Parce qu'à l'époque, il était président du club. Exactement. Et maintenant, il n'est qu'un fantoche. Donc, il s'en tape. J'ai la carte dans la boîte, je t'invite à vous faire. C'est ça. Exactement. Donc, la question mercato, elle est là. Allez-y. Hein. Elle est là. Question militaire. Voilà. Par Rocoras. On a déjà posé Rocoras ? Non, pas du tout, mais c'est un pseudo qui est là. Lui, il faudrait l'inviter pour lui demander que pour, genre, pourquoi il a choisi ce pseudo. Et c'est pas avec un 2C, c'est avec un K. Ouais. Sinon, alors, à votre avis, comment renforcer l'équipe cet été ? Conserver les joueurs, putain, ça va être long. Conserver les joueurs, embaucher des préparateurs en plus, recruter d'autres pépites, etc. Donc, mercato cet été ? On reste sur les fondamentaux. D'accord, on renforce le staff, on vend tout et on rachète des nouvelles pépites. On n'a pas eu d'asiatique pour l'instant. Ah. Alors, Nakamura avec ses mini Nakamura. Ouais. U16 indonésien, tu vois. Ah non, ça c'est plus le roi. Là, on est plus sûr du le roi. C'est la Malaisie. C'est Malaisie. Ouais, c'est la vague. Mais c'est vrai qu'avec, à l'époque, fin de règne de Keller, on a quand même eu deux Japonais. Ah oui, mais oui. Suzuki. Le gardien et. Suzuki. Ah oui. Et un mec prêté 6 mois. Là, on peut dire des noms de voitures au hasard, mais je pense que c'était pas Vitara, ouais. Mais. Tu roules dans quelle marque ? Kawashima et Suzuki, effectivement. Et c'était exotique. Moi, franchement, j'avoue, j'ai été au premier match de Kawashima à la réserve à Molsheim. Parce que, essentiellement, parce que j'avais pas d'autre à foutre. Quatre coupes du monde. Parce que tu voulais manger sushi le soir. Mais non, c'était un peu impressionnant. Et genre, ça avait tweeté de malade à l'époque. Parce que, bah, tous les Japonais, parce que le mec est quand même une légende de l'équipe nationale. Bien faire, ah, c'est comme si Bernard Lama jouait encore au foot, tu vois. Ah, 130 matchs, j'ai plus. Ouais. Et du coup, t'avais l'impression de vivre un petit moment historique. Ah ouais. Alors qu'on jouait contre Shinrasen 3. Ça m'a fait pareil quand Mario Asa, j'ai vu jouer la première fois. Bon, c'est un autrichien. Moi, je l'ai vu marquer contre Montpellier. Bah, moi aussi. Le poteau de corner. Ouais. Et il l'a pas fait exprès. Oui, c'est ce qu'il voit. Je suis désolé. Tu sais, comme au tennis, quand tu fais pardon. Quand t'as la balle qui. Je pense que c'est sur ces belles paroles de sportivité et de. Et d'amitié, et de rivalité. Performance, ouais. Et d'Autriche aussi. Et d'Autriche. Autriche, notre sponsor vacances. Hein, bien sûr, évidemment. Avec le Vorarlberg, Vacances Vorarlberg, bah, sponsorisé. C'est le sponsor de fin d'émission. Tout à fait. De fin d'émission. Le jingle de fin d'émission. De fin d'émission nous est offert par visitevorarlberg.com. En tout cas, bah, merci à tous pour cette analyse poussée. Je pense que là, si le Racing ne progresse pas avec toutes les bonnes ondes qu'on a envoyées, nous on progressera. Voilà, nous on progressera. On se retrouve très bientôt, puisque on fera sûrement une deuxième émission en mars. Parce qu'après, je pars en vacances. Enfin, vous expliquerai après. Une émission avant les matchs. Hein ? Une émission avant les matchs. Pendant les matchs. Pendant les matchs, je ne regarde pas. Une émission en direct de la Méno, ça pourrait être génial. Ouais. Dans les coursives. En direct différé. Alors, dans les coursives. Ouais, oh non, on va pas aller plus loin, mais faisons attention. Allez, tapez dans les mains. Il doit y avoir une équipe professionnelle en Alsace, on sait bien que ça ne peut pas être une autre équipe que le Racing.